Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan aujourd'hui est Assemblage requis. Michel Lebrun lui parlera du système judiciaire dans sa chronique panier à salade. On accueillera Marie-Laurence Audette de l'Observatoire québécois du loisir. Et on découvrira de la musique dans les chroniques de Larry Gauvin et Kiwan et Liberté. Assemblage requis commence maintenant. Trois jours, trois émissions. Il en reste peu. Oh oui. Bon matin, bon mardi 30 avril 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et bienvenue à Assemblage requis. On dirait les studios de 6 fois à 3 bien. Ouais, monsieur. Hey, que demander de mieux le matin comme ça? Dormir. Pour certains, mais pour ceux qui sont debout, ben, vous allez être heureux du plan d'aujourd'hui parce qu'il va vous tenir réveillé. C'est pour ça que je me suis réveillé. Ben, en fait, c'est pas mal ça. Toi, tant qu'à écouter l'émission chez vous, tu t'es dit, m'en venir l'animer. Ben oui. C'est ça. Il me semble c'est logique. Donc, Michel Lebrun va être là à 8h pour sa chronique Peignée à salade. Il nous parle, comme toujours, du système judiciaire. À 8h30, Marie-Laurence Audette de l'Observatoire québécois du loisir. On parle du loisir parce que c'est plus qu'un jeu. Oui. Oui, cette principe qu'elle a déterminée. Oui. Il me semble bien. À 8h45, Kiwan en cavale qui nous présente la musique canadienne en direct de l'Alberta. Aujourd'hui, on va entendre. Je sais jamais si c'est l'artiste en premier. Attends un peu. Oui, c'est Beliefs, Reverie, Sound Review et Aurora qu'on va entendre. Aurora qui est un groupe de Montréal d'ailleurs. Mm-hmm. Et non pas un plat libanais. Oh. Non, c'est pas ça, c'est les cannes de tomates. Aïe, c'est va chercher ça loin. À 7h30, on aura Larry Gauvin dans la prochaine demi-heure avec sa chronique. Le tout ski de Larry est là une fois par mois. Ça fait peut-être 2 mois qu'on l'a pas vu. Donc, on reprend le temps perdu avec une très bonne grosse chronique tout à l'heure. Sinon, en tout début, Television. Donc, ne perdons pas plus de temps que ça. On a déjà assez perdu. Là, ça fait 1 minute 32 qu'on parle. Je pense que c'est l'intro la plus courte qu'on a fait jusqu'à maintenant. Fait que je peux pas vraiment dire que ça fait longtemps. Quand même, hein, on a été... Snip, snap, snap. Top, top, top. C'est ça. Donc, on va... Ah, ben tiens, moi, ça me fait dire comme genre... Pow! Bamf! Comme ça, c'est des onomatopées. Ouais. Et entre chaque, on mettrait des virgules, des points-virgules. Ce qui donne de la ponctuation, tu comprends, genre? Mm-hmm. OK, on s'en entend de ponctuation. Voici à bout de souffle. Bonne émission. Ah, ben merci. Aux auditeurs, plus qu'à toi. Ah, ils disent merci. Hey, cool. souffle de ponctuation. Ouf! Ouf! Allez, parle-moi-en pas. Parle-moi-en pas! Donc, on l'a déjà fait, cette blague-là, comme une fois. Mais il me semble que je l'entends tous les jours, on dirait. Oui, pendant l'émission. À bout de souffle. Hey, qu'est-ce que t'as fait toi, hier soir, toi? Pas grand-chose. Non, t'as pas écouté la télé? Non. Ah, oh, ben oui! Ah oui, oui, là, je m'en souviens! C'est Television, Television. En effet, Television Television, c'est la chronique qui parle de... La radio? Ouais, non. Television, pas mal. Oh! Pas mal la télévision. Heureusement que t'es là. Une chance. On commence avec les Canadiens, parce qu'on n'a pas vraiment de nouvelles québécoises. Les nouvelles québécoises, en ce moment, c'est bon, Unité 9 en France, OK, oui, on est au courant, c'est dans le Journal de Montréal, on n'en parle pas. Bon. On passe à la télé canadienne, par contre, parce que les Canadiens regardent 30 heures de télé par semaine. C'est vrai. L'adulte canadien moyen regarde 30 heures de télévision par semaine selon BBM Canada. Donc, un rapport récent de Media Technology Monitor indiquait toutefois que 58% des Canadiens disent se prêter à du multitâche avec un appareil branché à Internet tout en regardant la télévision. Selon cette enquête, 26% des Canadiens disent faire toujours ou presque toujours l'usage de l'Internet pendant qu'ils regardent la télévision. Je pense que c'est logique. Les gens sont de plus en plus iPad et autres tablettes Android. Moi, je tweet tout ce que je vois. Tweet. On fait du tweetage, comme ils disent. Ouais. Est-ce que je peux me faire expliquer pourquoi on dit tweetage quand on... Fait qu'on tweet en même temps que l'émission de télé. D'où viennent les lettres? Tweetage. Tweetage, hein? Sûrement TV, puis tweetage, tweetage. C'est peut-être parce qu'au début, ça commençait... c'est les gens qui faisaient ça avec des films de cul. C'est, ils tweetaient genre des trucs de... Wow! Hey, toi, t'es vraiment subtil à matin, hein? Ouais, fait que ça faisait chercher. Du tweet. Je me trouve moi-même... Oui, là, on avait compris. Mm-hmm. Mais oui, en effet. Mais non, des fois, je me trouve très, très subtil. Là, ça, c'était... Hey, Alpin! Hey, Colin! Ouais, c'est un mélange de café, un peu d'heure de sommeil, okay. et un beau temps dehors, beau temps dehors. Ça te rend beau, là. Ça te rend tellement rare. Attachant. Attachant, oui. Les données sur l'ampleur de l'usage du web se rapprochent du temps passé devant le téléviseur, particulièrement en ce qui concerne les plus jeunes auditeurs. Lorsque les Canadiens se font demander comment ils passent leur temps de loisirs à la maison, plusieurs disent désormais utiliser davantage Internet plutôt que de regarder la télévision. Bien que les chercheurs soupçonnent que la plupart sous-estiment les heures de télé et surestiment le temps passé sur Internet. Selon les statistiques compilées en 2012 par le Bureau de la télévision du Canada, la moyenne des Canadiens âgés de 18 à 24 ans affirme regarder 14 heures de télévision et passer 31 heures sur Internet. Mais selon BBM, qui utilise des appareils électroniques pour suivre les habitudes d'écoute, donc c'est plus fidèle parce que c'est vraiment un gadget qu'ils voient, ces jeunes regardent la télé en moyenne 22,5 heures par semaine. Et la firme Comscore, qui fait aussi usage de lecteurs numériques, soutient que ces jeunes étaient branchés en moyenne 17 heures sur une période de 7 jours. Mmh. C'est pas tant que ça. C'est pas beaucoup, mais... c'est ça, ça compte-tu les trucs que tu peux regarder sur Internet? Mettons, si j'écoute en streaming. Hein? Ah, bonne question. Je pense que c'est ça de compter dans les données Internet. Ouais. Plus. Hein. Fait que c'est peut-être pour ça. Là. C'est biaisé un peu. Les gens regardent plus de télé en tant que tel si on parle d'émissions de télévision. C'est l'affaire cathodique. Là. L'affaire cathodique. Mais tu sais, si on compte aussi les balado-diffusions, moi j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts, des émissions vidéo, oui, mais seulement sur Internet. Même que j'écoute des chaînes de télévision HD qui sont seulement diffusées sur Internet. Mm-hmm. Et puis, ça compte pas. Mm-hmm. Pourtant, j'en regarde beaucoup, beaucoup. Mais est-ce que tu as une sortie HDMI pour plugger ça sur ton ongle? Ben oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Hein? De la télé ou de l'Internet? Ben c'est parce que les deux sont rendus flous, il n'y a plus de ligne. On va faire comme du tweet de vache. Tweet de vache. On va appeler ça la... Intervie. Ah, j'aime ça. On dirait une compagnie d'assurance, Intervie. Intervie. Mais Tweet My Vag, là, je trouve que c'est une très bonne émission à MTV où ils font du Vidjazzle. Est-ce que tu connais le Vidjazzle? Non, c'est pas ça. On s'éloigne énormément du sujet, mais c'est quand les filles se font mettre des petits glitters autour de leur vagina. Oh! C'est du. C'est vrai, c'est du Vidjazzle. En tout cas, je me rappelle plus du nom. C'est comme du freestyle de vagina. Tweet My Vag. Donc. Bon. On revient sur la piste avec Vincent Balduc. Le dernier Stephen King sur la route de la télé. Jean-Philippe, J.J. Abrams, le gars de Lost et de Star Trek, cherche à mettre la main sur les droits d'adaptation télé du livre 22-11-63, dernier best-seller de Stephen King. Entre la promotion de Star Trek Into Darkness et la réalisation de Star Wars 7, le très occupé J.J. Abrams n'oublie pas la télévision. L'homme derrière Alias, Lost ou encore Person of Interest prévoit acquérir les droits de 22-11-63 pour le petit écran. Non compliqué, je sais pas ce que ça veut dire. 22-11. Sûrement le 11 du mois de 22. Ouais. 900, ou en tout cas. C'est peut-être un code de baseball. Peut-être, oui. Genre, ou 22-11. B-22-N-11 au 63. Ah, peut-être. Peut-être. Radio Bingo. Le dernier roman de Stephen King relate l'aventure d'un enseignant de 35 ans qui découvre une fissure temporelle en direction du 9 septembre 1958. Le personnage se confrontera alors à l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy, survenu le 22 novembre 1963. Bon, ça dévoile le punch dès le départ. 22 novembre, Caroline, ça vient tout gâcher. J'ai trop pris, là. Les détails du projet de J.J. Abrams demeurent flous. Entre téléfilm ou série plus ample, avant lui, Jonathan Demme du Silence des Agneaux avait caressé le projet d'adapter ce livre-là au cinéma. Sa tentative a initié à l'été 2011 n'avait pas débouché. Donc, ça date quand même, ce roman-là. Moi, je l'ai vu en magasin de façon prominente. Mm-hmm. Récemment. Donc, je pensais que c'était récent, mais ça l'est pas. Que voulez-vous? On a parlé il y a quelques semaines de la série dérivée de The Vampire Diaries, le journal d'une vampire, là. D'un vampire. Bien que le premier épisode de The Originals est en effet un backdoor pilot, donc une émission pilote qui pourrait plus tard être commandée en tant que série. Ça a été diffusé la semaine dernière comme un épisode de Vampire Diaries. On fait ça très souvent dans les séries américaines, faire un épisode qui est complètement différent des autres. Là, tu te demandes, mais voyons, coudonc, comment ça que c'est aussi différent que ça? Ben, c'est un backdoor pilot. Ça explique tout. Donc, le CW, le réseau de télé, a donné une première saison à la très attendue nouvelle série dérivée qui a fait jaser les fans depuis plusieurs mois. En plus, la chaîne a renouvelé Beauty and the Beast et Heart of Dixie. Pour ce qui est de The Originals, Mark Pedowitz, le président de la CW, a fait cette déclaration. Je cite... aussitôt que nous avons vu l'épisode de la nuit dernière de Vampire Diaries, nous savions que nous voulions plus de The Originals. Julie Plec et Kevin Williamson ont fait un travail fantastique avec The Vampire Diaries. Ils ont créé un monde aussi impressionnant pour The Originals. Nous sommes aussi très excités que les autres émissions qu'on a dit tantôt reviennent. Les deux séries continuent d'être fortes au niveau créatif et leurs admirateurs sont incroyablement passionnés. Évidemment, il faut dire que les séries s'imbriquent les unes dans les autres. Là. Si t'as une bonne série avant toi ou une bonne série après toi, ça fait que t'as des meilleurs cas d'écoute. Hein, donc... Tout le monde est content. Tout le monde est heureux. Et voilà, donc The Originals sur CW l'automne prochain. Ensuite, on parle du câble HBO. Tu connais l'acteur Guillermo del Toro? Oui. Oui. Et HBO, donc, ils vont faire équipe pour développer une adaptation télé basée sur le manga Monster de l'auteur Naoki Urasawa et publié chez édition Big Comic Original Manga, selon Deadline. Del Toro et Stephen Thompson, qui travaillent sur Doctor Who, vont travailler ensemble sur l'histoire alors que le réalisateur de Pacific Rim œuvrera, je sais pas, va être le producteur. Monster devait originellement devenir un film chez New Line, mais en voyant les possibilités de créer une longue et intrigante histoire, le projet fonctionnait mieux comme série, nous dit-on. Donc, allez voir le résumé de Monster sur assemblagerequipe.com, mais quand même un manga en version dessin animé sur HBO. Ouais, c'est gros. Quand même. Ça pourrait faire que ça pourrait devenir populaire, donc, les mangas. Ouais, peut-être. Les séries d'HBO sont toutes des séries très, très, très bien cotées. Là, tu penses à des grosses bombes comme les Sopranos ou des trucs comme ça. Ça pourrait créer un engouement, si on veut. Voilà. Toujours au sujet de Guillermo del Toro, il a trouvé l'acteur principal pour sa série The Strain. Aperçu dans House of Cards et Minuit à Paris dans la peau d'Ernest Hemingway, Corey Stoll décroche le rôle principal de la série vampirique de Guillermo del Toro, annoncée par la chaîne FX. Déclinaison télévisée de la trilogie écrite par le réalisateur mexicain et le romancier américain Chuck Hogan, The Strain, ou La Lignée en français, n'avait pas donné de ses nouvelles depuis septembre dernier. Le projet fait un pas en avant grâce à l'arrivée de l'acteur principal. Corey Stoll prêtera ses traits à Ephraim Goodweather. Hey! Goodweather, bonne météo! Ben oui! Ça annonce une belle journée. Un scientifique spécialisé dans les épidémies et attaques biologiques, appelé lorsqu'un avion atterrit à New York avec l'intégralité de ses passagers morts. Pour résoudre ce mystère, Ephraim fera équipe avec un ancien professeur et survivant de l'Holocauste, Abraham. Ensemble, ils vont découvrir que des vampires ambitionnent d'exterminer la race humaine. Oh, ça va être bon, ça! Dans la lignée pas de vampires attachants comme dans True Blood, Twilight et Vampire Diaries, très sombre et sanglant. Le roman écrit en 2009 se complète l'année suivante avec La Chute, The Fall, en 2011. C'était en 2009. Et en 2011, La Nuit Éternelle, The Night Eternal. Guillermo del Toro, ou Toro, faut dire les R roulés, et Chuck Hogan, auteur du roman Le Prince des Braqueurs, qui a inspiré Ben Affleck pour son film The Town, signeront le scénario de la série, donc que de bons noms. Et en cas de commande passée par la chaîne FX, Carlton Cuse, tête pensante de Lost et Bates Motel, servira de showrunner. Donc ça s'en vient, on a hâte. Je pense que ça va se rendre... Ça va décoller comme un avion. Plein de vampires. Ça va être comme les zombies dark de Walking Dead. Ça va être comme des vampires dark dans ça. C'est une bonne... mm-hmm. On parle maintenant de Netflix. La série Hemlock Grove est plus populaire que House of Cards. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup aux États-Unis en ce moment de House of Cards. Au Québec, un peu aussi quand même. Donc, Hemlock Grove, la nouvelle série originale du site en flux continu, ça c'est un site de streaming Netflix, a été lancée en fin de semaine et il semble que les membres mordent à pleines dents dans cette nouvelle offre surnaturelle. On dit Netflix informe que la fin de semaine d'ouverture de la série Hemlock Grove est encore plus forte que la récente dramatique politique House of Cards, qui était quand même une série pointue là, sur le domaine politique, c'est pas pour tout le monde là, tu sais. Mais il faut pas oublier que le drame politique a été lancé la même semaine que le Super Bowl, ce qui est un handicap majeur. D'accord. Hemlock Grove est la dernière série originale de Netflix et elle est développée par le réalisateur de films d'horreur Eli Roth. Cette série avec House of Cards démontre clairement que la compagnie veut devenir un gros joueur. Je pense que ça, on l'a compris, ils veulent devenir le prochain HBO ou Showtime. Il semble que ça fonctionne très, très, très bien. Plus de 3 millions de nouveaux abonnés qui ont signé pendant le dernier trimestre, ce qui porte le total de membres à plus de 36 millions. La prochaine série culte va être la comédie Arrested Development, dont on parle très, très souvent, qui était une série sur Fox, qui était retirée. Et là, plusieurs années plus tard, ça revient sur Netflix. Les 15 épisodes sont disponibles en ligne le 26 mai. Donc, vraiment, c'est la technique de Netflix. Envoyer la saison, la balancer dans ta bouche. Ouvre grand. Mais est-ce que t'es pour ou contre? On a déjà parlé un petit peu, mais est-ce que tu préfères regarder tes séries une saison en rafale ou est-ce que t'aimerais mieux s'ils t'étaient donné un par semaine comme avant? Non, moi, ça me rend fou. Ouais. C'est, moi, j'ai... c'est ça. Mais ça. C'est ça. Non, j'aime mieux toutes les avoir d'un coup, mais en même temps, c'est pas bon pour ma santé. Ta santé mentale? Oui. Tu dors pas dans ce temps-là? Non, non. Mais si tu réussis à te contrôler, parce que, premièrement, j'ai pas Netflix. Je suis un grand amateur de regarder la télé enregistrée sur ma TV avec la petite machine et de télécharger illégalement. Mais je vois pas le problème par rapport à une cassette vidéo. Là, j'ai déjà fait cet argument-là souvent. Mais je préfère avoir le contrôle. Et apparemment, selon Simon Fitzbay, qui est abonné à Netflix, c'est que quand tu écoutes un épisode, il te demande, voulez-vous écouter le prochain? Ouais. Oui. Voulez-vous écouter le prochain? Oui. Tu sais? T'as pas de contrôle autant, tu sais? Ben, il y avait dit qu'il y avait un maximum de 3. Ouais, après ça, il fallait que tu redémarres toi-même. Ouais. La taille en bas, pour booter le tout. Oui. Écran bleu d'abord. Non, c'est pas Windows quand même, là. Allons-y avec MTV maintenant qui va adapter la série de films Scream, Frisson, au petit écran. Jean-Philippe, es-tu un fan de Scream? Non. Non, bon ben. La chaîne MTV a donné le feu vert à l'épisode pilote de nouvelle série d'épouvante basée sur Scream, Frisson. Dimension Films s'associera à MTV afin de réaliser l'adaptation de la saga de Wes Craven pour le petit écran. Les deux sociétés sont actuellement à la recherche de potentiels réalisateurs pour le pilote d'une heure. La série devrait débuter à l'été 2014. Écrit par Kevin Williamson et Aaron Kruger et réalisé par Wes Craven, Scream se compose d'une série de 4 films d'épouvante très tirés d'histoires réelles inspirées de la saga Halloween. Frisson raconte l'histoire d'une ville dont les habitants sont terrorisés par un mystérieux tueur masqué. Voilà. Il y avait là-dedans Neve Campbell, Drew Barrymore, Courtney Cox et Kristen Bell. Donc aucun de ces gens-là va être dans la série sur MTV, c'est garanti. Puis toi? T'es-tu un fan? Jamais vu. Non? Non, jamais. Moi, les affaires d'horreur, je suis facilement... comment dire? Est-ce que je pourrais dire terrifié? Ah! Par ça? Je sais pas, on dirait que non, je suis comme une fille là-dessus. T'sais. OK. Ben, je suis comme une fille sur bien les affaires, sauf le... vagina. Sauf le vagina. Sauf le Twitter. AMC s'aventure du côté de la science-fiction. Maintenant, la chaîne câblée AMC, diffuseur de Walking Dead, entre autres. Donc, c'est eux qui s'occupent de ça. Ils ont commandé le pilote pour Line of Sight, une série dramatique qui plongera son héros dans une paranoïa sans nom. AMC anticipe la fin de Breaking Bad, le chimiste, dont la dernière, je savais même pas que c'était en français, le chimiste, j'avais aucune idée, dont la dernière saison débutera au mois d'août, et celle de Mad Men, est-ce que c'est des hommes fous? Non. Qui pourrait intervenir en 2014. Pour pallier ses futures absences, on se prépare à une nouvelle création centrée sur un miraculé d'un accident d'avion. Encore une fois, accident d'avion, c'est très à la mode, là, on en parlait il y a quelques minutes. Donc, un employé de la National Transportation Safety Board chargé d'enquêter sur les accidents aéronautiques, routiers, ferroviaires et maritimes après avoir mystérieusement survécu à un accident d'avion. Il n'a plus qu'une seule obsession dans sa vie, découvrir la cause de l'accident. Donc, ça va partir en tournage en fin 2013. Et on parle donc de science-fiction pour cette chaîne AMC. Il y a entre autres Ballistic City, une série développée en collaboration avec Joseph Kosinski, le réalisateur du film L'Oubli, qui était en cinéma récemment, le Oblivion avec Tom Cruise. Mm-hmm. Donc, on se prépare à faire de la science-fiction au lieu de faire historique. Ah oui. Faut varier ses intérêts. C'est ça. C'est ça l'affaire. Sur NBC, on prépare un quiz qui va durer 12 jours de suite. Pour septembre prochain, The Million Second Quiz, un jeu télévisé qui durera 1 million de secondes, soit 12 jours sans interruption, enfermé dans une structure en forme de sablier au cœur de Manhattan. Les candidats seront sollicités jour et nuit pour répondre à des questions de culture générale et participer à des épreuves physiques. Les participants devront rester concentrés 24 heures sur 24 afin d'éviter l'élimination. Le gagnant repartira avec l'impressionnante somme de 10 millions, c'est plus assez de faire des millions de dollars. Ben non, c'est des peanuts, ça. Hey, voyons donc, tu niaises-tu, là? Je veux pas aller perdre mon temps pour un million, là. Hey, bonne chose à faire. Donc, The Million Second Quiz sera diffusé à la télé à heure de grande écoute, en plein prime time. On sait pas encore à quel rythme. Est-ce que ça va être une quotidienne? Est-ce que ça va être plusieurs fois par jour? Est-ce qu'on va le filmer d'un coup sec et le répartir? On sait pas. Ben, il devrait faire comme le concept. Là. Ouais. 12 jours ensuite. Ouais. Ensuite, pap. Pourquoi pas? Why not? Bonne idée. Les téléspectateurs pourront cependant ne perdre aucune miette du programme et le suivre minute par minute sur Internet. Ah, ben voilà. Internautes et téléspectateurs auront en outre la possibilité de jouer depuis leur salon en temps réel et ainsi saisir la chance d'apparaître lors de l'émission. Moi, je vais miser 10 millions de dollars. Non. Oh! Que ça va être streamé 24 heures sur 24 sur Internet et qu'il va y avoir une quotidienne d'une demi-heure ou une heure tous les soirs pendant les 12 jours. C'est ce que je... Aux heures où il y a moins de bonnes cotes d'écoute. Donc, les gens vont tellement en parler que tout le monde va écouter le streaming. Il va y avoir plein de pubs. Ah oui. Ah non, des 30 secondes à chaque 30 secondes. Ah, ça arrête pas plus. Ah! Le rappeur Vanilla Ice se lance dans un défi télévisé chez les Amish. Tu connais les Amish, c'est ceux qui n'ont pas de télé, pas d'internet, pas de rien, là. Pas de plaisir dans le fond, pas le droit à rien. Le rappeur Vanilla Ice, devenu star de la télé-réalité lui-même, va participer à une nouvelle série dans laquelle il vivra au sein d'une communauté Amish. L'interprète de Ice Ice Baby, qu'on va entendre à la fin de la chronique, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Désormais magnat de l'immobilier et spécialiste de bricolage. Va vivre au sein d'une communauté Amish pour apprendre leur mode de vie pour les besoins de la nouvelle série Vanilla Ice Goes Amish. Expliquant la raison pour laquelle il a accepté de participer à l'émission, outre l'argent, la star a tweeté, je cite, « L'idée est venue d'une conversation, je me posais des questions sur les Amish, ce sont les maîtres de l'artisanat, c'est authentique. » C'est parce que lui, ses émissions qu'il fait sur la chaîne, si je m'appelle bien, sur la chaîne DIY, Do It Yourself. C'est une chaîne de décoration, rénovation. Et il fait des affaires là-dedans. Donc, c'est ce qu'il veut comme voir, vu qu'eux sont très, très bons pour construire des choses à partir du moins de technologie possible. Émission qui va être diffusée, donc, aux États-Unis à la fin 2013. Moi, je dis que c'est commencé par un T'es pas game, encore une fois. Ah, oh, peut-être. Ah, qu'en sais-je. Le prix de la série la plus regardée au monde à Monte-Carlo. Dr. House, Les Experts Miami et Le Mentaliste sont en liste pour ce prix de la série la plus regardée au monde. Les trois productions dramatiques américaines concurreront pour le prix de l'audience TV internationale. Cette récompense, remise chaque année à la série la plus regardée à travers le monde, sera décernée lors du Festival de télévision de Monte Carlo du 9 au 13 juin. Après trois années de règne des experts de Las Vegas, le prix de l'audience dans la catégorie dramatique se jouera entre son dérivé à Miami, donc CSI à Miami, Dr. House et Le Mentaliste sur les trois retenues. Seules les deux séries sont encore en cours de diffusion. On parle du Mentaliste et de CSI Miami. Dr. House ne l'est plus. En l'absence de Beauté désespérée, unique gagnante dans la catégorie comédie depuis le lancement de cette récompense en 2006, Two and a Half Men, Mon oncle Charlie, The Big Bang Theory et la britannique Mr. Bean tenteront de prendre la relève. Mr. Bean. Mr. Bean, une de mes séries préférées. Pour vrai, c'est une série culte pour moi, Mr. Bean, j'adore. Top Model remettra son titre en jeu dans la catégorie récompensant le meilleur feuilleton face à la vénézuélienne Eva Luna et l'américaine La Casa de Alalado. Alalado. Le prix de l'audience TV internationale récompensera les fictions les plus performantes à travers le monde durant l'année 2012. Les lauréats seront dévoilés le 13 juin prochain. En 2012, les experts avaient remporté le prix grâce à 63 millions de téléspectateurs dans le monde, en compagnie de Beauté désespérée à 40,8 et Top Model à 19,3. C'est des séries qui sont vendues à gros prix partout et qui ont du succès même après leur retrait aux États-Unis. C'est quand Top même... Model. Ça joue encore aux États-Unis, quoi. C'est lequel? Je me mets tout le temps entre The Bold and the Beautiful, Young and the Restless, One Life to Live. Alors qu'en français, c'est genre Top Model, Les Feux de l'amour. Ça n'a comme rien à voir avec la titre originale. Non, c'est ça. Je suis tout mêlé. Bonne nouvelle pour les fans de SNL, Saturday Night Live, les 38 ans d'archives de sketch de cette émission, diffusée le samedi soir en direct, hein, va maintenant appartenir à Yahoo. Et donc, Yahoo et Broadway Video, la compagnie derrière SNL, derrière le producteur Lorne Michaels, ont annoncé une nouvelle entente où on va pouvoir voir toutes les archives numériques de 1975, c'est-à-dire la première saison, jusqu'à maintenant. Ils vont être enlevés complètement de d'autres sites comme Hulu, qui était leur partenaire officiel, et d'ailleurs qui n'était pas accessible au Canada. Ah ah! Hulu n'est pas accessible au Canada. Donc, j'espère que Yahoo va donner un accès aux Canadiens, sinon leur donner, je sais pas, au pire, je vais payer, moi, pour voir ça. Pour voir tous les sketchs de SNL. Ah oui. ça vaut la peine. Voilà, ça va être lancé le 1er septembre sur le site de Yahoo. J'imagine qu'ils vont avoir leur propre hub, là, un genre de snl.yahoo.com, quelque chose comme ça. Très, très rapidement, je vous les fais pas entendre, mais je vais vous mettre les liens sur assemblagerequis.com. Un journaliste qui empêche deux femmes de s'embrasser à l'arrière de son reportage sur le Boston Marathon, le marathon de Boston. Donc, c'est Mike Tobin qui continue de regarder la caméra et qui, après ça, se revire et dit aux femmes, « Ne faites pas ça, s'il vous plaît, pendant la diffusion du 23 avril dernier. » Donc, je sais pas. C'est tenté de censurer un baiser entre femmes. C'est pas un petit peu genre en 2013, non? Tu peux laisser les gens s'embrasser. Ensuite, Jimmy Kimmel qui a joué un tour aux fans de Coachella. Coachella, le gros festival de musique indépendante. Est-ce que t'as vu? Non. Non. Il a envoyé un journaliste pour son segment L'Eyewitness News. Il a envoyé leur journaliste pour parler à des fans de musique et leur dire « Qu'est-ce que tu penses des Chelsea Clintons? » Puis là, les filles, « Oh wow, c'est genre le meilleur band, ils sont tellement différents. » C'est tous des groupes qui n'existent pas. Donc, les Chelsea Clintons, Straight Out of Williamsburg, et puis il y avait les Obesity Epidemic, l'épidémie de l'obésité. Donc, il y avait plein d'autres affaires. Et puis, il faisait même avec des vrais groupes comme Tudor Cinema Club, qui a l'air d'un faux groupe, mais qui est un vrai groupe. Il dit leur nouvel album DJ Cornmeal, et c'est pas vrai, tu sais. Donc, les fans vont répondre comme, pour être tellement hipster, moi, je connais ça, ces groupes-là, mais toi, tu connais pas ça, parce que t'es un animateur de télé, puis t'es trop mainstream, ça. C'est très drôle. Donc, allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Côté code d'écoute, on fait ça en rafale. Ben oui, parce que qu'est-ce qui reste, là? Qu'est-ce qui reste à faire ça? C'est ça, c'est pas mal exactement. Non, mais ça. Dans les codes d'écoute. Ah ouais, il y a pas grand-chose et c'est pas mal tout le temps la même chose au sommet. Donc en position 15 à 6, Hockey les Canadiens, La Voix, Pose d'or, Prière de ne pas s'envoyer de fleurs, Le Tricheur, Tranche de vie, La Facture, TVA Nouvelle, Dans l'œil du dragon et Testé sur des humains. 5e, c'est Vlog à TVA, 4e, La Voix à TVA, 3e, Tout le monde en parle à Radio-Canada, 2e, LOL à TVA et 1ère, c'est la représentation du film Dérapage de Choses Arcantes. La Voix, ça joue encore? C'était la dernière semaine, je crois. Ah. Je crois bien. C'est les codes d'écoute de la semaine du 15 au 21 avril. Ils sont toujours un petit peu avec délai là, quand même, ben au oui. Canada. C'est normal. C'est bien normal. Au Canada, anglais, Hawaii Five-O, CTV National News, Two and a Half Men, The Following, The Voice, American Idol, Bones, The Mentalist, CTV Evening News du lundi au vendredi et Castle en 6e place. 5e, les Juno Awards. Le gala. En 4e, The Big Bang Theory. 3e, Amazing Race. 2e, Survivor Caramone. Et en 1ère, c'est le hockey. Hockey Night in Canada sur CBC. 2 410 000. Mm-hmm. Et on termine avec les talk shows américains. Bien sûr, à David Letterman sur CBS à 23h35 en semaine. Ce soir, pas grand chose. Le groupe de musique Phoenix. On devrait faire jouer un petit peu plus. C'est vraiment bon, Phoenix. Ouais. Mercredi, Tobey Maguire. Et puis vendredi, Nathan Lane. À Jay Leno sur NBC, 23h35. Ce soir, Cher. Demain, Kathy Griffin. Jeudi, Matt Lauer et vendredi, Kevin Smith. Très bon acteur qu'on aime de Jay et Bob. Là. Tu connais Jay et Bob? Oui. Silent Bob. Bon, mais ça. Jimmy Kimmel Live sur ABC à 23h35 ce soir. Gabourey Sidibe Bay de Chose, le film Le Precious. Demain, Pierce Brosnan. Jeudi, Robert Downey Jr. Et quand même des gros noms pour Jimmy Kimmel. À Craig Ferguson sur CBS, minuit 35. On retrouve Pierce Brosnan jeudi. Et je vais juste regarder pour les noms rapidement. Un de mes humoristes préférés, Zach Galifianakis, est à Jimmy Fallon à minuit 35 sur NBC jeudi soir. Quand on dit minuit 35, le jeudi soir, c'est vendredi matin, finalement. Finalement. Allez voir le reste sur assemblagerequis.com. Et on se quitte comme toujours en musique. Et cette fois-ci, la semaine passée, j'ai parlé de George Strombolopoulos qui allait avoir un talk show sur CNN cet été. C'est un animateur de talk show canadien. Un des meilleurs animateurs de talk show et un des meilleurs intervieweurs que je connaisse, George Strombolopoulos. Donc, il va avoir une émission en 10 parties sur CNN. Et dans le temps, sachant son thème, elle a changé depuis. Et en fait, l'émission a changé de titre, de concept. Là, maintenant, c'est George Strombolopoulos Tonight. Assez difficile à dire. Dans le temps, c'était CBC News, deux petits points, The Hour with George Strombolopoulos. Donc, imaginez le nombre de mots qu'il y a là-dedans. Après ça, on me dira que mes titres d'émission sont trop longs. Donc, voici la chanson thème de Dans le temps. C'était vraiment bon. C'est The New Pornographers. Voici Use It au 89 FM. Merci. Yeah. à M. Leblanc juste une fois. Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale et la connerie humaine dans le Dîner de cons sur Cifou 89.1. Toute une semaine. Le Dîner de cons est une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170, boulevard des Forges. Je sais, c'est constructif. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. 7h37, Jean-Philippe Charbonneau est là. Mathieu Plante aussi. Oui, on accueille pour son grand retour pour la dernière fois de la saison. Laurie Gauvin et le Tusky de Laurie qui n'a pas d'intro. Ça fait qu'on se met un petit fond mais normal. Ben oui, c'est correct. Oh yeah. Yeah. Salut Laurie. Avant si j'aurais choisi un intro. T'as encore le temps pour la prochaine fois si jamais ça te tente de revenir. Hein? On peut chanter aussi à la place. Qu'est-ce que tu veux comme chanson? Non, j'aime mieux pas en fait. Donne-moi, on va faire musical. Pas du temps. Tu me donnes un style musical, je te fais une chanson. Tu... Ah, laisse faire. Ah, laisse-moi. Fais un rap. Elle est plate, non. C'est pour ça qu'elle vient pas souvent. Faut pas faire de rap. Non, t'es pas plate du tout, t'es le fun, c'est cool, puis quand t'es là, on t'apprécie. Donc aujourd'hui, on va encore une fois écouter quelques chansons qui te passent par la tête que t'as envie de nous faire entendre. Oui, justement, encore, j'ai pas été capable de faire des choix, donc on a une fois de plus un dossier musical assez chargé. On va jouer juste des extraits de chat. Non. Juste le refrain. On n'est pas à d'autres radios. Mais non, c'est ça, j'ai apporté quelques petites chansons avec moi, puis j'ai aussi jeté un petit coup d'œil aux sorties d'albums du mois dernier. OK. Puis cool. On peut en parler un petit peu si vous voulez. J'ai même découvert que ça faisait longtemps, tu sais, en fin de session, des fois, on n'est pas trop à l'affût, si on veut, des sorties musicales. D'habitude, je suis quand même pas pire, mais là, j'ai tout redécouvert ça, je dirais, ce week-end. Puis je me suis rendu compte que I Am avait sorti un nouvel album. Ouais. En Martien, ça s'appelle. En Martien, c'est un beau titre. Ouais, ça, c'est leur genre un peu. Hein. Oui. Mais, fait que je m'en doutais pas. Vous autres? Qui l'aurait cru? Non, jamais. Jamais. Moi, ça m'arrive comme un cheveu sur la soupe. Non, mais quand même, dans ta jeunesse, t'as pas écouté ça, I Am? Oui, ben oui. Mais j'ai l'école vraiment pas entendu d'argent. Parler. C'est ça? Moi, j'ai jamais écouté ça de ma vie du tout. J'ai déjà entendu des chansons. Ouais, sûrement. Ben écoute. Ben là. Ça a fait, on dirait que ça a fait partie de mon secondaire. Fait que là, je me disais, waouh, ben il faudrait que j'écoute ça. Je l'ai pas écouté. Non. Est-ce que tu penses que ça va repogner? Est-ce que tu penses que la génération là, qui a suivi I Am. Ben, je pense qu'il va en avoir beaucoup des nostalgiques, oui, en effet. Pas autant que pour les Backstreet Boys et les Newcastle Boys. Hey, c'est drôle parce que justement, en cherchant de la musique hier, je suis tombée sur un remix de Backstreet Boys. Débile. Oh. Et c'est ce qu'on s'en va entendre, non? C'est ça. Non. Ah non, mais moi, je trippais, sauf que là, tout le monde autour de moi, non. Tout le monde te jugeait. J'étais comme, OK, on passe à autre chose. Alors, dans les sorties d'albums, toujours, on a Phoenix qui nous revient avec leur album Bankrupt, qui est sorti le 23. Ça, apparemment, que c'est pas mal bon. Hein? Faudrait qu'on se... Ben, Phoenix, en fait, leur dernier album, Wolfgang Amadeus. Phoenix, oh, ouais, c'est ça. Oh, Phoenix, ouais, c'est ça. Hey, j'ai eu de la misère. En 2009, gagné le Grammy du meilleur album alternatif. Mm-hmm. Donc, on peut s'attendre à quelque chose de... La barre est haute. Ouais. Mais leur cover, il est beau. Oui, c'est quoi déjà? C'est une genre de... Il est gris avec une slice de nectarine, pêche, peut-être? Ouais, c'est quelque chose. En tout cas... Ça m'a accroché, tu sais, c'est plate à dire, mais tous quand tu agrumes, regardes hein. Sur... Tous les agrumes, pamplemousse. Les Backstreet Boys, les agrumes, ouais. C'est coloré. Bienvenue, Laurie, ouais, c'est ça. Fait que non, c'est ça, on peut s'attendre quand même à quelque chose de pas pire. J'ai écouté sur iTunes quelques previews, puis ça me semble fort intéressant. Moi, je savais pas qu'ils venaient de Paris, eux. Ah, moi non plus. On savait pas. Ils doivent se tenir avec I Am. Peut-être. Parce que tous les Français se connaissent, hein? Ben oui. Ils vont bientôt faire un duo. Comme tous les Québécois aiment la poutine. Et voilà. Voilà. Ils sont des bûcherons qui vivent dans les igloos. Avec des plumes. Ouais, ouais. C'est ça. Puis, un autre sortie d'album aussi qui est en fait deux semaines à peu près, le 19 The Neighborhood. Je t'en avais-tu déjà parlé, il me semble? Je ne crois pas. Je sais qu'on l'a eu sur le palmarès The Neighborhood. On a eu deux pièces, je crois, de leur album. Non. C'était sur leur maxi avec une pochette juste noire. Là. Ouais, OK. Ouais. Ben là, ils ont sorti leur album qui s'intitule I Love You. Original. I love you. Okay. Il y a un point à la fin. Ah bon, c'est pour ça change tout. Ça, ouais. Ça change tout. Super à mode, hein, The Neighborhood. I love you, tu sais, c'est à mode. Un point à la fin quand on n'a pas besoin, c'est à mode. Puis, parlant de ça, justement, saviez-vous qu'eux, ils ont joué à Coachella, en fait, au musique, Coachella Valley Music Festival. Le festival de musique très, très hipster underground. On va en parler, justement, mais ça se pose. bon, eux ont joué, là, il y a deux semaines environ. Puis, tu fais cocasse, le Ben a envoyé un mémo au journaliste qui couvrait la dernière édition de ce festival pour exiger que toutes les photos prises de leur set soient en noir et blanc. Bah! Très à la J'exige! Non, mais ça aurait pu être du sépiatone, genre. Ouais. N'importe quel. Sépiatone, c'est So Last Year, en fait. Ah, excuse-moi. Là. Mais c'est un cycle, hein, ça va revenir dans 2-3 ans. Mais oui, le noir exactement. Et blanc va être pas à mode l'année prochaine. Ça, non, c'est ça. Instagram, ça sera bientôt plus cool. C'est là. Ça. Tweeter ça sur Vine. Moi, je pensais qu'il allait falloir absolument faire un Vine, une vidéo de 6 secondes sur Twitter. C'est tellement à mode. En noir et blanc, par exemple. En noir et blanc. Obligatoire, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Fait que Maudit The Neighborhood. On les aime bien quand même, tu sais. Ben, puis... je sais pas. I'm top scénar avec leur jeu absolument que tu connaisses rien de ce que je connais. Non, parce que tu sais, eux autres, ils considéraient que tout ce qu'on joue à C'est Fou, qui est pourtant ultra underground, ils diraient que c'est du gros mainstream, ça, là. Tout le monde connaît ça, là. Ça. Noir et blanc, écoute. Oh, moi, j'aime bien Jesse Rutherford, qui s'appelle le chanteur. On dirait que je l'engagerais pour qu'il me chante une balade. Bonne nuit. Ah, bon. En noir et blanc, bien sûr. En noir et blanc, ben oui. On peut t'arranger ça. Ben, hein? Ben oui. Ben ouais. En fumant une Mamboro en noir et blanc. Laisse-moi prendre le téléphone. Ah, c'est assez le fun, les gars. Vous m'arrangez ça, c'est le fun. On exauce tes rêves, ben, c'est fou. Hey, mais là, on parlait des hipsters de Coachella. Je t'ai semi-entendu parler de Jimmy Kimmel Live tantôt. On a effleuré le sujet là, vraiment très rapidement, donc tu peux nous en parler un petit peu plus. Non, mais pour ceux qui n'ont pas vu ça, quand même, Jimmy Kimmel, bon, ben, c'est un talk show américain. Oui. Puis lui, il est connu pour faire... en tout cas, moi, il me fait rire à chaque fois. Toujours. Ah, c'est il segment montre des comme, coups incroyables. Unnecessary Censorship, c'est son segment que je préfère. C'est qu'il prend des clips d'émissions pour enfants ou n'importe quelle émission, puis il est censure à des places où ça pourrait avoir l'air bizarre. Ah. C'est de la fausse censure. C'est génial, c'est des petits bijoux. Mais dans ce cas-ci, c'est pas ce qu'il a fait. Non, c'est ça. Mais lui, en fait, il a comme critiqué un peu le fait que les festivals de musique sont rendus over hipster. Si on veut, c'est très à la mode de la musique indie. Le noir et blanc aussi. puis, donc lui, il a envoyé une équipe de caméras à Coachella. Puis, il a interviewé des gens dans le stationnement. Puis, il s'est mis à inventer des noms de bandes indie tellement pas connus qu'ils n'existent pas. Qui n'existent juste pas, mais les autres, ils étaient comme oh, wow, tu sais. Ouais, fait qu'il a interviewé des gens, puis il disait, bon, qu'est-ce que vous pensez de, je sais pas trop, là. Il y avait les Chelsea Clinton que j'ai mentionné tantôt. C'était quoi? Les Chelsea. Oui. The Slow Homos Enda. Tu sais, il y avait toujours, il composait des noms typiques qui pourraient, tu sais, il y a toujours un Enda quelque chose. Puis, il demandait aux gens, puis là, les gens, tu vois que, tu sais, c'est comme quand quelqu'un te parle, puis t'as pas compris ce qu'il dit, mais tu réponds, ah ouais, mais dans le fond, c'est une question. Mais c'est que c'est plus que ça, c'est qu'ils vendent vraiment des réponses de toutes pièces, tu sais, ouais. Genre, ils ont eu une grosse progression, leur deuxième album est bien meilleur que leur premier. Tu sais, n'importe quoi, ils inventent des faits qui n'existent ben, pas du ça. Tout. Puis, tu sais, qu'est-ce que vous aimez de ce band-là? Ah, j'aime vraiment leur énergie. Oui. C'est quoi votre pièce préférée? Ben la première, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Fait que bref, ça m'a bien fait rire. Cherchez Jimmy Kimmel, Coachella. Ouais, exactement, sur YouTube, vous allez vous tordre, sérieusement, c'est ça. Officiel. Donc, ça, c'était notre petit lien, Coachella. Dans les... là, il me reste deux trucs à vous parler, là, pour les sorties d'album ce mois-ci. Il y a Churchill, que je vais vous faire écouter, justement... J'aurais dû commencer par ça, ouais, plus tard. Veux-tu qu'on l'écoute? On peut couper ta chronique avec des tunes, comme tu veux. Yes, Ninja! Ah non, ben non, on va l'écouter plus tard parce que moi, j'ai toujours mon... tu te souviens de ma théorie du réveil progressif? Oui, lentement, pas vite. Hein? Ah, c'est ça, tranquillement, café. On n'a pas 45 minutes, mais oui. Mais ouais, Churchill. Donc, Churchill qui nous sort un EP, The War Within, c'est pas très connu, super bon. Eux viennent de Denver, Colorado. Puis ce qui est intéressant, c'est que le band produit eux-mêmes leur musique. Parce que le batteur, c'est un ingénieur du son. Ah, OK. Alors, ouais. Que de talent. Mm-hmm. C'est bon, ça. Puis aussi, il y a Young Galaxy, qui est un band de Montréal. Ouais, mm-hmm. Je ne savais pas que ça venait de Montréal, ça. Moi c'est non plus. Fun. Moi non plus. Puis eux, c'est ça, ils ont sorti leur album la semaine dernière qui s'appelle Ultramarine, à surveiller. Donc, sans plus tarder, on poursuit en musique. Oui. Parce qu'on n'a pas 45 minutes, c'est ça? Ben, c'est à peu près ça aujourd'hui. Dommage. Ça pourrait être un bon titre d'émission, ça. On n'a pas. Avec Eric Salvaille. Est-ce que je ferais un bon Eric Salvaille? Non. Bon, OK, je ne me demandais pas pourquoi. Là. Donc. On commence avec Gypsy and the Cat. Oui, exactement. Chanson tirée de leur album The Late Blue. C'est Only in December. On écoute ça dans le tout ski de Laurie à Assemblage Rocky. Alors, c'était Gypsy and the Cat avec Only in December. Bon, ça. C'est pour beau, vrai, ça. Only in December. Ah, mais ça, je suis un petit peu en retard là-dessus, par exemple. Okay. J'avertis. Leur album est sorti en novembre dernier. Mais tu vois, ils ont sorti en novembre pour pouvoir en faire parler en décembre. Puis là, t'as manqué ton... Ouais, c'est ton... ça. C'est... Ouais. J'étais en vacances. T'as fait juste pour ça. J'ai tout le temps une excuse. J'étais en fin de session. J'étais en vacances. C'est pour le Noël des campeurs. On est sorti pour ça. Oui. Mais c'est bon, pour vrai. Mais ouais, c'est ça. J'ai découvert ça récemment. Puis je suis complètement accro. Leur album est débile. D'ailleurs, allez vous le chercher si. Album qui s'appelle The Late Blue. The Late Blue par Gypsy and the Cat. Ouais, voilà. Un groupe d'Australie. Oui. Alors, là, je me sens quasiment mal d'avoir parlé de Churchill, de l'avoir dans ma liste. Puis pas l'avoir fait jouer. Fait qu'on y va? Mais ça, c'est pas celle-là, là. Ouais. Celle-ci? Ah, ouais. Non, en fait, tu savais de me le dire, par contre. Ah, mais là, je vous fais écouter avant qu'on oublie qu'on en a parlé. Donc, Churchill avec Change, qui est le single de leur EP. C'est dans le Touski de Laurie, à Assemblage Requis. To make you want me, I can fabricate the truth. I'll give you easy, it'll keep me destitute. You hang me up on the line, hang me out to dry, and you got nothing to lose. Et voilà, donc c'était Churchill avec Change. Je vous en avais parlé, on l'a écouté, c'est dit, c'est réglé. Que du bon, que du bon. Puis là, il nous reste 7 minutes, on a à peu près 40 000 tunes à vous faire écouter. Qu'est-ce ben qu'on fait? Là, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas parler trop longtemps. Hein? Ben non, c'est ça, on a trop de choses à se dire, c'est plate. Hein? Ben c'est le fun. C'est le fun. Et oui, on se tente. Mais tu nous as amené beaucoup de stock pour une chronique, toi là. Je sais, mais je sais pas comment choisir. Je te comprends. Ok, est-ce qu'on poursuit? Oui, allons-y. Ok, on va écouter de la musique, là, parce que c'est le matin, puis on a besoin de se réveiller comme du monde. Est-ce qu'on y va avec... Moi, j'ai le goût de vous faire écouter Is Tropical. C'est un groupe du UK. Et puis, la chanson s'appelle... Royaume-Uni. Tout ce qui de Laurie. Hein? On parle français. Je sais, je m'excuse. J'ai tellement un problème avec mon anglicisme. Or else. Ouais, tu sais, you know. Non, mais en fait, eux, leur album sort le 20 mai 2013. Ça s'intitule I'm Leaving. Puis là, la chanson que vous allez entendre, c'est comme un petit spécial parce que c'est un duo entre le chanteur Gary Barber et sa copine. C'est-tu pas mignon, ça? Oh, Gary ouais. Barbier, puis la femme a fait quoi? Elle coupe les cheveux. Coupe les cheveux. Donc, on y va avec Is Tropical Dancing Anymore sans plus tarder. Toujours dans tout ce qui est de Laurie. Ça continue. No, I don't. Alors voilà, c'était Is Tropical avec Dancing Anymore. Wow! Wow! On l'admet, on s'entend là-dessus. Wow, c'était bon. C'est... Wow. Ouais, non, ça sonne bien. C'était romantique, hein? Beau oui. petit duo de oui. Barbier et sa femme. C'est pas un personnage dans Gilligan, ça, le Barbier et sa femme? Son épouse. Son épouse. Gilligan! Pas de temps à perdre, c'est tout ce qui de Laurie, toujours avec Laurie Gauvin. Ouais, c'est ça, pas de temps à perdre, on se l'est fait dire, là. On coupe sur les toutes. C'est même en fond, on a quatre chroniqueurs dans la même émission. On a toi, on a Kiwan qui s'en vient, on a Michel Lebrun et Marie-Laurence Audet. Grosse journée. Quatre chroniqueurs. 2 heures, tu sais. Bon. Pas beaucoup de temps. Ben, c'est correct. Moi, je voulais vous parler de plein de choses, mais on va se revoir, hein? Oui, on va se revoir. Est-ce que tu veux nous titiller avec les titres de ce que tu nous aurais fait jouer si jamais tu avais pu? Ouais, ben, je sais pas. Ça va briser le punch, hein, de quand tu vas revenir. Ben, hein? Non. En fait, là, allez écouter Coasts. OK. Oceans. Bien. Yeah. Qui sort de leur nouveau EP Paradise, qui est sorti hier. OK. Ça, c'était super actuel, mais là, il a fallu qu'on coupe à quelque part. Mais allez l'écouter chez vous sur YouTube. Oui, poste-nous ça sur Facebook si t'as le temps. OK. OK, je vais faire ça. Good. Puis aussi, ben là, j'aurais aimé ça vous faire écouter Portugal The Man, Purple, Yellow, Red and Blue, qui est un petit leak, pardonnez mon anglicisme, de leur nouvel album. Une fuite. What? Depends. Ça sonne moins bien ouais. en français. Alors, ouais, non, c'est ça, c'est un petit extrait de leur nouvel album, Evil Friends, qui va sortir, en fait, en juin. Donc, on aura le temps d'en reparler, ça aussi. Good. Sinon, d'ici là, je vous sors un petit groupe que j'ai découvert qui vient de Californie. On sait pas trop s'ils ont un album, un EP à surveiller. Écoute, je suis allée voir la page Facebook, tout ça, il n'y a pas tellement d'infos. Mais on parle de possibilités. Ben, en fait, il y a un EP qui va sortir bientôt. Puis là, je vous fais écouter le single qui s'appelle Yes, Yes. Alors, on se quitte avec ça. C'est The Colorist. T'es dans un thème de coiffure aujourd'hui, toi. Hein? Le colorist et le barber. Je sais pas ce que t'as. C'était voulu. Merci, Larry. Anything to take you from me. Yes, yes, they. Alors, c'était The Colorist avec Yes Yes. Je te comprends d'avoir eu de la difficulté à faire des choix parce que c'est tout bon ce panneau. Ah, c'est gentil. Laurie Gauvin, le Touski de Laurie, c'était ta dernière chronique de la saison, mais on se retrouve éventuellement un jour, à un moment donné. On se retrouvera. Ah, j'espère. On sait pas quand, on sait pas où, mais on va se tenir au courant. Mais hein. Merci, Laurie Gauvin. Ben, merci à vous, puis bonne journée, bonne fin de session à ceux qui terminent aujourd'hui. Yes, bon été, sinon. Sinon. Pour après. Je repasserai. C'est ça. Good. Ben, tu viendras, nous autres, on n'est pas sorteux. Non, non, on va être là tous les jeudis après-midi. pour l'instant, c'est la fin de la première heure. On se retrouve avec un gros blitz. Michel Lebrun, Palais Salade. Oui. Toi, Marie-Laurence Audet. Ouais, OK. Puis après ça, c'est Kiwan en cavale. Kiwan en cavale, en direct de l'Alberta avec de la musique canadienne, entre autres. Pour l'instant, ben, c'est ça. Hein? C'est ça, c'est ça. La radio autrement. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi. Pourquoi j'ai dit jeudi? Pourquoi je voulais dire jeudi? C'est comme mon espoir et mes rêves qui oui, viennent. Ça sent bien. Deux autres matins. Un pour moi. Parce que oui, maudit fendant. Il est pas là le mercredi de la dernière semaine de l'émission. Il est-tu drôle, hein? Ah. Il est-tu drôle. Donc, mardi, 30 avril 2013, 8h09, il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est endormi. Non, c'est pas vrai, il est Mathieu Plante, c'est moi qui ai endormi. Ben, c'est ça. Essaye pas de projeter tes torts et tes travers. Miroir. Michel Lebrun, qui vient d'arriver en studio comme ça, il est un de nos trois chroniqueurs dans la deuxième heure. Ça va être serré, mais on aime ça de même. C'est confortable dans un petit studio. Petit studio coquet où tu peux à peine passer à côté des chaises derrière le mur. Mm-hmm. Voici panier à salade. Bonjour Michel Lebrun. Bonjour Mathieu. Ça va bien? Philippe. Allô, allô. Bien, vous aussi. Bon, oui, ça va. Dernière semaine de la session, donc on profite de ça pour faire une émission complètement normale, mais accueillir des chroniqueurs de talent, des chroniqueurs qui ne nous laissent pas tomber. Et Michel Lebrun est toujours très, très fiable et toujours là pour nous parler de justice et de trucs juridiques. On ne sait jamais trop comment on s'enligne, mais c'est toujours du bonbon. Hein? Ah, merci Mathieu. Ça fait du bien. Bon, dans cette dernière chronique, j'imagine que comme tous les chroniqueurs, tout le monde veut déborder parce que tout le monde veut dire tout ce qu'on n'a pas dit durant l'année. Là. Il aimerait bien ça, mais on n'a pas trois heures. Comme Joe Dassin, t'es-tu en train de faire une référence à Joe Dassin? Oui. C'était ta dernière chronique. Je cherchais quelque chose avec un J tout le temps. Ah oui! Ah, c'est bon, juridique, judiciaire et Joe Dassin. Non, mais ça vient de me dire, des amants qui se quittent et qui n'avaient plus rien à se dire puis qui ont tellement de choses à se dire la dernière journée. Ah, seul sur le sable, les pieds dans l'eau. Eh oui, c'est ça. Mais en fait, c'est une chronique que je voulais faire un peu en forme de bilan. Effectivement. Okay. J'aimerais ça comprendre. Pour aujourd'hui qu'on le fasse en bi semi-rapide au lieu d'un bilan. Bilan. Tu vois, puis là, je prends du temps avec des mauvaises blagues alors que je devrais pas. De toute façon, ça va être léger. Tout ce que j'ai fait, c'est amener quelques devoirs pour l'été aux gens qui veulent partir. Est-ce que je devrais sortir mon calepin? Ah, peut-être pas besoin. Tu réécouteras l'émission lors des best-of. Ah, ben parfait, je vais faire ça. Avec ton calepin cette fois-là. Ben, on entend beaucoup parler que les gens écoutent ta chronique dans les meilleurs moments, entre autres. Je sais qu'ils l'écoutent aussi à Assemblage Junkie. Si on a besoin des codes d'écoute. Ben oui. on s'est lancé là-dedans un peu sans trop savoir après une conversation avec François-Olivier. D'ailleurs, qu'on va saluer, qui nous écoute peut-être au volant de son convertible ou la tête au vent. Ah, hein? Son salaire a augmenté pas mal avec le CPE, je pense. Mais oui, on salue ses anciens co-animateurs, dans le fond, Jean-Philippe. Avant que l'autre soit là. Avant que l'autre arrive, mais moi, t'es pas un remplaçant. T'es juste un autre co-animateur parmi les 25 que j'ai eu depuis 10 ans. T'es dans le sang-cœur, Mathieu Plante. Merci. Parce que François-Olivier vous a pas rendu service et il m'a approché Et après c'est ça, vrai? Il nous a dompé. Ben oui, vous avez trouvé le pogné avec moi. Il faut remercier pour vrai que c'est grâce à lui si on t'a à l'émission, parce que moi, je t'aurais jamais connu sans François-Olivier Marchand. Ben moi, je vous connaissais déjà. Et c'est ben oui. J'étais. D'ailleurs, c'est, quand j'ai rencontré François-Olivier, c'est la genèse un peu de cette chronique-là, c'est qu'on a un ami commun qui a un établissement au centre-ville, okay. Festif, un endroit auquel on se retrouve à l'occasion. Un bar. Et on connaissait. un losange ou un cœur ou un trèfle. Exactement, quelque chose d'argent. Effectivement, sans faire de publicité. Non, c'est pas l'argent. Et François connaît un des propriétaires qui est un de mes amis aussi, puis il me parle qui est assez fou. Puis je dis, j'adore votre émission du matin. Moi, j'étais vraiment un fan de ton émission. Wow! J'avais décroché de la radio, et je l'ai souvent dit, en ce qui concerne mon domaine, le discours en matière de justice qu'on retrouve dans les médias, dans les grands médias, exemple Québécois et autres, Radio X, ça vient me chercher à la langue, puis on ferme la radio, puis on n'est plus capable d'entendre ce qui se dit sur les ondes. Et j'ai toujours aimé votre émission. J'étais un fan. Et puis François, me croyait pas. Et puis, c'est normal, parce que tu me dis là, puis je te crois pas non plus. Fait que là, il a hésité entre le fait de faire baisser les codes d'écoute en m'assoyant ici. En tout cas, finalement, il m'a dit on avait jonglé avec l'idée de faire une chronique qui pourrait peut-être traiter de justice de façon un petit peu différente de ce qui se faisait. Ouais. Puis, la question, c'est est-ce qu'on a réussi? On l'a fait. Hey, c'est sur toute la ligne, je pense qu'on peut dire. C'est une chronique à succès. On peut dire comme ça. Ah oui, moi j'ai bien aimé ça. Évidemment, j'ai réalisé que c'est plus dur que je pensais aussi faire de la radio. Éviter de parler avec des E, puis lorsque je me réécoute, je suis pas trop. C'est dur, là, se réécouter. Et comment réagir aux blagues insignifiantes que les co-animateurs peuvent te faire, puis là, tu sais comme pas où t'en aller avec ça, c'est tellement mauvais. Ouais, mais là-dessus, je suis un peu maso, fait que ça fait partie du plaisir de se présenter. Plaisir coupable. Ouais, exactement. Genre, tu cherches le couteau, puis tu veux me trancher la gorge. Oui, plaisir coupable. C'est ça, puis finalement, j'espère qu'on a réussi à parler de ce qu'on fait, de ce que le système judiciaire fait, de façon plus... peut-être un peu plus reposante, ou je sais pas, on dirait moins sensationnaliste. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de me coller un petit peu sur l'actualité, mais pas trop pas trop embarqué dans les délires là, du jour, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Mm-hmm. Puis je faisais un peu, je me disais, est-ce que ça valait la peine d'en parler, ou est-ce que je mettais le doigt sur quelque chose qui était vraiment un problème, ou pas? Puis je regarde dans les dernières semaines, avec ma lecture des journaux, fait en sorte que je considère que essayer d'en parler d'une façon un peu plus objective, ou sans vouloir... On dirait que comme le discours auquel je me bute tout le temps depuis quelques années, puis ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé à faire ce métier-là, à représenter des gens, il me semble qu'avant, on pouvait concevoir qu'il y a des erreurs judiciaires, que la police peut se tromper, que des fois, le système se trompe aussi, ou que les sentences sont pas assez sévères, mais parfois, c'est le contraire. Il y a des gens qui sont emprisonnés injustement, puis tout ça. Et on dirait qu'avec le temps, tout s'est crispé, et puis... Je regardais récemment là, dans le Journal de Montréal une bulle là, qui a comme un peu explosé. Je ne sais pas si vous suivez ça un petit peu, si vous lisez le Journal de Montréal. On suit sur toi. Parfait, je vais vous en parler. Mais il arrive un dossier où, à la cour, c'est un accident où il y avait eu trois personnes de blessées. Ça fait beaucoup les manchettes parce que les parents, c'est des gens qui étaient très médiatisés, dont un, le parent... C'est un jeune qui a 18 ans. Conduit avec trois amis de filles à lui dans l'auto. Il est pas en boisson, mais il conduit à la fin d'une soirée de façon un peu rapide. En tout cas, de façon négligente, il finit par avoir un accident et les trois personnes ont été blessées grièvement. Puis c'est une histoire qui est très triste. Et ce jeune-là, qui avait 18 ans au moment des événements, arrive pour sa sentence et ça devait être plaidé, je pense, au mois de mars dernier. Et là, ça faisait beaucoup... Les médias étaient très... suivaient beaucoup ce dossier-là. Les parents étaient passés, tout le monde en parle. Et puis, ils vivent très mal ce qui est arrivé à leurs enfants. Et on les comprend. Ça, c'est bien évident. Ils ont eu des blessures très graves. Et là, finalement, le procureur de la Couronne et l'avocat de la défense finissent par s'entendre avant la date des représentations sur sentence pour dire que la sentence qui va être suggérée, je pense, une sentence de 3 ans ou 30 mois de prison, en tout cas. Là, ce qui m'apparaît une sentence pour un jeune de 18 ans, assez importante aussi, parce que c'est un jeune qui n'avait pas d'antécédent, qui a commis une faute assez grave, mais 3 ans de prison à 18 ans, c'est quand même quelque chose. Lorsque les gens commencent à utiliser le terme que je déteste, mais qu'on voit encore ce matin dans le journal, sur le front page du Nouvelliste, sentence bonbon, Il l'aime, ce terme-là. Hein? Ah, ça, on voit ça partout. Là. Puis ça, c'est vraiment... c'est un mot magique. C'est jamais assez, une sentence. Hein? 3 ans, on prend un jeune de 18 ans et on l'entre en prison pendant 3 ans. Les gens qui disent ça, qui qualifient ces sentences-là de sentences bonbons, sont probablement jamais allés dans une prison. Ben non. Moi, personnellement, j'y vois à coup de 2 heures, puis j'en ai pas mal. J'en ai en masse. Là. Je sors de là, je suis jamais trop... c'est pas joyeux comme endroit. Et lorsqu'on parle de jeunes personnes qui sont pas criminalisées, qui viennent d'une bonne famille, qui ont commis un acte qui peut être grave, mais je pense que aller plus loin que ça, ben là, c'est comme s'acharner sur quelqu'un. Il y a des gens, je pense qu'il y a certains discours qui voudraient que la justice, ça soit comme œil pour œil dans pour dent. Si on a estropié quelqu'un, ben, il faudrait se faire estropier nous aussi. ça existe, c'est juste ça, dans certains pays. Oui. Je ne sais pas si c'est un objectif qu'il faut rechercher. Et là, ce qui est arrivé dans ce cas-là, c'est que le jour de la sentence, l'avocat de la défense affirmait qu'il y avait eu une entente avec la procureure de la Couronne pour reporter le dossier de 1 mois ou 2 pour permettre aux jeunes qui étudiaient à l'université de terminer sa session. Et là, les parents des victimes qui se sont présentés à la cour n'avaient pas été avisés de ça. Et donc, ils se sont... ils ont évidemment manifesté leur mécontentement. Et là... Il y a eu comme un genre de... Et je les comprends, là. Je dis pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Le fait qu'ils soient mécontents et qu'ils se soient déplacés pour rien, évidemment, c'est plate. C'est quelque chose qui doit pas être encouragé. Mais ça semble être une erreur d'agenda. Les deux avocats, c'était mal compris. Mais dans les jours qui ont suivi, là, c'était un délire là, sur toutes les tribunes de ce type-là, les gens de chroniqueurs à la Martineau, les gens à la radio. Tout. Et là, il n'y avait pas de justice. Puis le pauvre petit chérubin, il va finir sa session. Puis qu'est-ce qu'on pense des victimes? Tu dis, là, à un moment donné, ça finit plus. Là. C'était une erreur d'agenda. Je veux dire, il n'y a pas personne qui est mort de ça. Le jeune va rentrer en prison pendant 3 ans. La sentence convient à la couronne, convient à la défense. Ça ne mérite pas le front page, selon moi. Mais là, on dirait qu'il y a comme une espèce d'enflure qui fait que on crie ça devant tout le monde. On souffle un peu sur chacun de ces choses-là pour finir par dire aux gens, ben vous faites fourrer, tout le monde est corrompu, le système, les politiciens, les juges, les avocats de la défense, c'est des... on se fait même... J'ai l'impression que les gens nous apostrophent de façon un peu plus agressive qu'avant. Bon, fait que c'était un peu l'idée de faire la chronique. Et quand on regarde comment c'est... ce discours-là nous rejoint. On a vu encore, il y a eu des attentats à Boston récemment. Là, il y a toutes sortes de chroniqueurs qui ont essayé de faire toutes sortes de parallèles avec les manifestations étudiantes. Et puis, même chose, ça vous rejoint. Ben là, oui, ça, même combat. Les sauteuses à clous et ça, c'est pareil. Oui, c'est ça. Les étudiants sont qualifiés de terroristes. Chaque infraction qui a été commise par chaque manifestant est la faute des leaders étudiants. Ben oui. Mais quand la police fait la même chose ou des policiers se retrouvent accusés, ben c'est jamais de la faute de l'institution policière et tout ça. C'est des petites baveuses. Fait qu'on traite de façon vraiment différente un côté de la médaille par rapport à l'autre côté de la médaille. Et là, quand arrive l'histoire des attentats de Boston, il y a un politicien que je nommerai pas parce que l'idée, c'est pas de prendre parti, mais il y a un politicien qui a eu le malheur, il a fait une déclaration. Il a dit il faudrait peut-être qu'on commence à se poser la question d'essayer de comprendre pourquoi des jeunes qui sont des Blancs, en fait, c'est des immigrants, là, c'est des jeunes qui étaient étudiants dans la région de Boston. Oui, mais ils étaient ici depuis au moins une décennie, quelque chose comme ça. Ben, c'est ça. Aussi. Donc, ils étaient plutôt des jeunes élevés dans un contexte nord-américain. Ouais, et puis, le politicien a eu le malheur de dire qu'il faudrait peut-être essayer de comprendre les causes de ça. Et là, il y a eu une espèce Les commentateurs se sont ligués pour dire « ça se peut-tu, faut les comprendre encore ces petits chérubins-là, puis quel politicien qui a pas de courage, qui va encore s'aplatir devant des terroristes, puis toute une espèce de délire qui pour moi est incompréhensible, parce que je me dis, c'est sûr qu'il faut les arrêter, mais si on n'essaie pas de comprendre, la criminalistique ou la criminologie, la psychologie des criminels, tout ça, c'est tout des sciences qui servent à prévenir le crime. Il faut les comprendre, ces gens-là. Exemple, on vomit aussi sur les libérations conditionnelles. On dit, le fait de libérer des gens, ils purgent pas le peine au complet. Puis j'écoutais un moment donné un ancien détenu parler à la télévision. Il dit, si je vous donne le choix de prendre un détenu, par exemple un jeune comme ça de 18 ans, et de le mettre trois ans dans une cage, puis à la fin des trois ans, on va ouvrir la cage, puis on le retourne dans la rue, versus faire la première année complètement détenue, la deuxième année, pouvoir sortir, commencer à travailler un peu à l'extérieur, la troisième année, être peut-être chez lui, puis être réinséré avec certaines conditions ou avec un certain suivi. Qu'est-ce que vous pensez qui va être la meilleure gage du fait que cette personne-là ne sera pas dangereuse en sortant? C'est moi, ça. Je pense que quand tu poses la question, tu y réponds. Oui, exact. Fait que ça, je trouve ça un peu... Je trouve ça bien triste de voir, puis je veux pas banaliser ou minimiser ce que les victimes peuvent vivre, puis il faut en tenir compte, évidemment. Mais le système en tient vraiment compte, selon moi. Lorsqu'on parle de réinsertion, c'est pas de la faiblesse, tout ça va dans le sens d'amener, de créer un système qui est peut-être pas parfait, mais qui est probablement le meilleur qui a jamais existé, puis se retrouver dans une société qui, telle qu'elle est aujourd'hui, et puis ça, on le dit jamais, vous l'entendez jamais dans les médias, mais est moins violente qu'elle ne l'a jamais été. Il y a beaucoup moins de meurtres qu'avant, il y a beaucoup moins de vols à main armée. Bon, on va aller changer ça. Hein? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, de mélanger un peu de répression avec un peu de compréhension puis de réinsertion, c'est toutes des choses qui vont dans le sens de diminuer la criminalité. C'est pas en emprisonnant tout le monde. Non, mais c'est qu'en emprisonnant pendant trois ans d'un coup sec, il va juste ruminer sur ce qui s'est passé, puis il va juste détester encore plus les gens qui l'ont mis en prison, puis il va aller les tuer après ça. Mm-hmm. Oui, puis vous voyez, lors des événements de Boston, j'ai trouvé un article dans la revue qui s'appelle The Atlantic, où on racontait trois histoires de qui sont survenues le jour de l'attentat, dont un étudiant de, arabe qui participait au marathon de Boston et qui et fait partie des victimes. Il a reçu, il était près de cet endroit-là. Et comme toutes les personnes qui ont été victimes, qui ont reçu des débris ou quelque chose les qui était blessé, dedans, il est parti à courir, comme tout le monde, en direction opposée de l'explosion. C'était le réflexe un peu normal de tout le monde. Lui a été le seul, par contre, la plupart en fait, toutes les personnes qui ont été blessées ont été pris par des ambulanciers, amené à l'hôpital et tout ça. Lui, dès qu'il a commencé à courir, il y a un citoyen qui l'a plaqué, qui l'a attaché au sol. Et suite à ça, on l'a conduit à l'hôpital pendant que la police fouillait son appartement. Comme de quoi que c'était un terroriste lui-même. Ouais, fouillait le fond d'encombre son appartement. Et Fox News, qui est un réseau de nouvelles assez... De droite. Assez virulent à Montréal. Était campé devant l'appartement de cette personne-là. Lui, il a un coloc, c'est un étudiant. Et son coloc, qui s'en allait étudier, se faisait poser des questions par les reporters de Fox News qui disaient « Qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous que votre coloc est un terroriste? » et tout ça. La seule chose qu'il y avait qui différenciait cette personne-là des autres, des autres personnes qui étaient sur les lieux qui ont été blessées, c'est que lui, c'était un arabe. Donc, il y avait un look arabe. Et suite à ça, pendant à peu près une journée, ses voisins pensaient que c'était lui le terroriste. Puis c'est arrivé à plusieurs endroits, puis pas nécessairement juste avec le profilage racial, mais sur un journal, c'était le New York Post, je crois. Au New York Post, deuxième victime de cet attentat-là, une personne... Une personne a été photographiée comme étant le suspect. Ils ont dit c'est ces deux gars-là, c'est eux autres qu'il faut chercher. Deux personnes dans une foule, mais c'était clairement pas eux autres. C'était sur le front page du journal. Ouais. Imagine, ça gâche ta vie. Je veux dire, dans l'état un peu de délire qui se produisait à ce moment-là, on peut imaginer que quelqu'un aurait pu se faire violenter. Il aurait pu, se faire tuer, pour vrai. Ouais. Il aurait vraiment pu se faire tuer. Et la troisième victime innocente, je dirais, de cet événement-là, CNN, qui a publié le fait qu'il y avait quelqu'un qui avait été arrêté. John King, le journaliste de CNN, John King, a annoncé en ondes que le suspect avait été arrêté. Et il a fait rire de lui depuis. Et qu'il était dark-skinned. Oui, avec la peau plus foncée. Oui, on a ajouté un peu un petit qualificatif. On a dit, il a la peau foncée. Pourquoi pas? Il a sûrement la peau foncée, c'est un terroriste. Et la revue des Atlantic, ça fait toute une élaboration là-dessus. Pourquoi avoir dit ça, dark-skinned? On pense à tout le dégoût, en tout cas, que moi, ça me provoque. T'sais, les journalistes professionnels, d'habitude, au moins deux sources. Oui, puis CNN, c'est pas le Fox News, d'ailleurs. Eux se prétendent un peu plus professionnels. Centristes, etc. Ouais. on voit que, en fait, toutes les questions dont on a parlé au cours de l'année, ben, c'est encore d'actualité. L'arbitraire, les préjugés, l'abus qui peut arriver. Puis des policiers fort bien intentionnés peuvent commettre des erreurs. Puis c'est pas dénigrer la police que de dire que ça peut arriver. Je pense qu'il faut être capable de voir ça. Si vous... Si ces choses-là vous intéressent, je pourrais même vous recommander, durant l'été, un documentaire qui s'appelle « The Central Park Five ». C'est un documentaire qu'on peut trouver sur PBS. PBS, qui est la chaîne un peu comme Télé-Québec ici, la chaîne publique, finalement. Publique, c'est ça, plus éducative. Et il y a un documentariste qui s'appelle Ken Burns. Ken Burns a fait des très grands documentaires sur le baseball, il en a fait sur le jazz, il en a fait sur toutes sortes de sujets. Puis il y a comme un peu la guerre de sécession, entre autres. Il a gagné toutes sortes de prix. Il a un peu réinventé le monde du documentaire. C'est lui qui on parle souvent de l'effet Ken Burns quand on zoome sur des photos et qu'on revient en arrière. Exact. C'est lui qui a inventé ça. Oui. Et lui, sa fille avait écrit un livre sur un événement qui est survenu dans les années 1989, l'événement qu'on appelle le Central Park Five. Et le documentaire est sorti cette année. On peut le trouver sur le site internet de PBS. On peut l'écouter là. Même au Canada. Oui. Ce qui est rare pour les émissions américaines. Oui, je pense que PBS sont plus open source que les autres. Ils font bien. Ouais, c'est ça. S'ils veulent avoir des gens qui pourraient écouter leur documentaire parce que c'est pas pour tout le monde. Ouais, moi, j'adore ça, mais c'est pas pour tout le monde. Oui, effectivement. Mais vous avez l'affaire du monde. J'avais déjà parlé de l'affaire du monde ici. Il y a un film qui a été fait, là, un film à partir d'une histoire vraie, là, l'histoire de Michel Dumont, quelqu'un qui avait été faussement accusé d'une agression sexuelle. Et le Central Park Five, ben, c'est la version américaine, donc exposant 10 de cette histoire-là. Okay. Il est survenu une agression fort violente, une dame qui était blanche, il faut le mentionner parce que ça pale skinned. Ouais, effectivement. dans Central Park, elle faisait du jogging le soir et elle a été battue et tout ça. Elle était dans le coma pendant... Tout le monde pensait qu'elle pourrait même en mourir, mais elle était dans le coma pendant plusieurs semaines et donc elle ne se rappelait pas de qui l'avait agressée. Et assez rapidement, on a arrêté 5 jeunes qui se tenaient dans Central Park, qui se tenaient avec des gens qui étaient un petit peu, disons, tannants et qui s'en étaient pris, qui avaient peut-être fait certains vols à des passants dans Central Park, mais on a voulu les associer à ce crime-là. Et ils décrivent un peu tout le délire qui s'est emparé de la ville de New York. Comment il s'appelle? Le monsieur qui a des casinos là, qu'on voit partout. Donald Trump, qui était sur toutes les tribunes. Il y avait le toupette au vent. la moumoute. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, là, il prônait que la peine de mort puisse s'appliquer à des crimes comme celui-là. Ils ont été condamnés, les 5. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont obtenu, les policiers ont obtenu des aveux assez rapidement, de la plupart d'entre eux, des aveux signés, qui ne tenaient pas. On a déjà parlé de ça. Ouais, effectivement. Les aveux, c'est pas toujours. Puis dans ce cas-là, c'est les raisons, la façon dont ces aveux-là ont été obtenus, j'en reviendrai pas là-dessus, mais toutes les techniques qui sont. Lorsqu'on passe un petit peu à côté des règles, ça peut finir que des gens innocents avouent des crimes. Et la preuve en a été faite hors de tout doute en 2002 lorsque les tests ADN ont démontré qu'il y avait un genre de maniaque là, qui sévissait dans Central Park. Et on a fait le lien entre ce maniaque-là et cette accusation-là. Et grâce à la preuve d'ADN, on a exonéré complètement les 5 personnes qui étaient des Noirs et à l'époque, qui avaient des tensions raciales à New York. Ce documentaire-là fait un peu le tour de tout ce délire-là. Et encore là, ce pas des affaires qui sont arrivées dans les années 1800, c'est des affaires qui sont arrivées tout récemment. Et on voit encore, j'ai vu quelques commentaires sur ce film-là de la part de commentateurs un peu pro... je ne suis pas anti-police, mais qui sont pro-police ou solidaire de toutes les techniques policières, parce qu'on se dit, dans le fond, je pense qu'il y a, derrière le mouvement que je dénonce un peu, il y a un peu l'idée de dire, ça coûtera ce que ça coûtera, puis ça, on écrasera qui on a besoin d'écraser, parce que la loi, la sécurité est tellement importante que si on condamne quelque innocent au passage, ou si on écrase, on écrabouille... C'est pas si grave que ça. C'est des dommages collatéraux. Dommages collatéraux, et dans le fond, même aujourd'hui, les gens disent, ben oui, mais ces jeunes-là, il y avait de quoi d'autre à s'en reprocher. C'était pas des gens clean, ils étaient pas blancs comme neige, et puis... Oh! Et c'est... D'entendre ces discours-là en 2013, c'est quand même en tout cas, c'est ce qui explique qu'on s'est retrouvé à toutes les semaines depuis le début de l'année. Et une dernière suggestion que je peux vous faire, si les sujets de nos chroniques vous ont intéressé, C'est un livre qui m'a été prêté récemment puis que j'ai trouvé très intéressant, qui est écrit par un avocat qui fait à peu près le même métier que moi, mais à Munich, à Berlin, en fait. Et le livre s'appelle Crime. Donc, c'est assez... Et Crime. Avec un S. En plus. Et l'auteur s'appelle Ferdinand Von Schirach. S-C-H-I-R-A-C-H. C'est publié chez... je pense que c'est Gallimard. Et... c'est un avocat qui... En tout cas, avoir le talent de cet avocat-là, j'ai trouvé ça très intéressant. À partir de son expérience, il a fait des nouvelles, des petites nouvelles qui concernent divers crimes. Quelqu'un qui s'en prend à sa femme. Et pas des vrais crimes. Ce sont des vrais crimes. Ce sont des vraies histoires qu'il a changées. Il a changé des détails, par exemple. Il change des noms. il mélange certaines choses pour être sûr de ne pas violer le secret professionnel. Mais ce qu'il prétend, c'est que fondamentalement, tout ce qui est écrit dans ce livre-là concerne un peu comment il a été mis en présence de diverses accusations criminelles. Il y en a sur la légitime défense. Il y en a sur un homme qui tue sa femme... après avoir eu une vie, là, quand il écrit sa vie, je trouve que le gars écrit très bien. Et c'est toutes sortes de petites tranches de vie, je vous dirais, et de mort, qui sont assez intéressantes. Et quelqu'un qui s'intéresse un peu à ce dont on parle dans notre chronique, au travail que ça peut représenter, les policiers, les juges, les avocats, tous les gens qui sont confrontés au système judiciaire, je vous suggère ce livre-là qui s'appelle « Crime ». Donc, ça sera peut-être votre lecture d'été. Là. J'imagine que tout le monde va se procurer ça. Se procurer ça pour Kindle, pouvoir, parce qu'ils vont s'ennuyer de l'iPad. De chronique justice. C'est donc Ferdinand Von Schirach, le nom de l'auteur. Et on remercie donc Michel Lebrun. C'est tout? C'est tout. On t'a pas censuré, on t'a pas coupé. C'est bon. C'est tout. T'as fait des fois, j'ai posé la question avant de commencer. C'est ça. Donc, on te remercie pour ta participation au courant de la session. Et on va se retrouver bientôt. Si c'est pas dans les prochains mois, ce sera à l'automne. Au moins, on va s'en reparler de toute façon. On s'en reparlera. On verra notre emploi du temps rendu là. En temps et lieu. Merci, Michel Lebrun. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Merci. En passant, vous allez pouvoir retrouver les chroniques de Michel Lebrun un petit peu partout cet été dans l'émission Aucun outil requis. C'est une émission dérivée d'Assemblage requis. On va vous présenter, en fait, Jean-Philippe va vous présenter des chroniques, les meilleures chroniques de la saison, des chroniques choisies comme ça à tout vent, tout honneur. Ouais. Donc, il va y avoir des émissions thématiques avec Michel Lebrun, Maxime Bilodeau et d'autres gens comme ça. C'est cet été. Surveillez cfou.ca pour la programmation complète. Voilà. Pour l'instant, on prend une pause et on vient avec Marie-Laurence Audette de l'Observatoire québécois en loisirs. Puis après ça, c'est Kiwan en cavale en direct de l'Alberta. C'est à peu près ça, j'ai-tu tous les mots? Y a-tu un mot que j'ai manqué là-dedans? C'est non, c'est bon. C'est bon, ouais. Combien sur 10? Je vais réécouter la reprise. OK, parfait. Le plan de demain à assemblage requis. Stéphanie Paradis sera là pour partager avec nous ses petits bonheurs de la vie. On recevra Marie-Pierre Laforge-Bourret avec ses chroniques aléatoires, etc. Et on se gâtera avec la chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti. Kinky Sexy Time, c'est demain à 7h. Il reste deux jours. Un pour moi. Oh, mon petit fantasme! Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. 8h37 minutes à Assemblage requis. Le temps file. Il nous reste encore deux chroniques à faire dans cette émission d'aujourd'hui. On va dépasser un petit peu, c'est pas bien grave. Je voudrais mettre quelque chose au clair là, avec Marie-Laurence qu'on accueille. Bon matin, bonjour. Bon matin. Ça va bien? Oui. Donc, premièrement, Marie-Laurence, Audet ou Audette? Audet. Audet. Ça dépend des gens. Il y en a qui disent Audet, j'ai entendu dire. Okay. Mm-hmm. Ça, c'est bon. Et t'es dû. Laisse-moi deux secondes, j'allais chercher de la gomme Audet. Audet. De toute façon, je vais répondre, je suis la seule Marie-Laurence dans la place. Ah, cool! T'es du Laboratoire en loisirs et vie communautaire, le LLVC, oui. De l'Observatoire québécois du loisir, l'OQL. C'est deux instances. Deux instances. Moi, je suis avec le laboratoire. Mais pourquoi que quand tu vas sur le site, c'est parce que le laboratoire, comme je t'expliquais la dernière fois, mais je pense que je vais le réexpliquer. Il va falloir, je pense. Le laboratoire, c'est là que toutes les démarches, les recherches se font, mais on les diffuse par l'Observatoire. D'accord. Voilà. OK, tu me le rediras la prochaine fois. Je te le redis la prochaine fois. Mais je te garantis que je t'écoute. Donc, c'est le loisir plus qu'un jeu. C'est ta chronique que tu me présentes aux deux semaines et c'est la dernière de la saison. Oui, la deuxième et dernière. Mais on va se reprendre l'année prochaine aussi. Oui, ben oui. C'est un début. Commence pas à citer du Star Academy. Bon. Oui, j'avoue. Hein. Fais pas ça. Non. Alors, moi, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le portail des gestionnaires des bénévoles. En fait, le portail des gestionnaires de bénévoles, c'est un outil qui vient d'être créé. Donc, un très jeune outil qui date de automne 2012. Donc, si on fait le calcul, il est jeune. C'est pas encore sa fête. Un an et demi presque. Ouais, ben non. Automne 2012. Ouais. Puis là, automne... Ah, c'est vrai, t'as raison, automne 2012. Ah, automne 2012, là, et même pas un an. Là. Même pas un an. On fêtera ça ensemble à l'automne. OK, c'est on bon? Sort les gazous. Alors, dans le fond, la raison pour laquelle ils ont développé cet outil-là, c'est qu'on est conscient que présentement, il y a une grosse mutation dans le secteur du bénévolat. Puis les gens, les administrateurs de bénévoles ont besoin d'informations, ont besoin de formation. Et le bénévolat, on s'entend qu'il y en a dans tous les milieux. Moi, je parle pour le secteur du loisir parce que sans les bénévoles, il n'y aurait pas de loisir. On en a à profusion et on en a toujours besoin. Mais il y en a dans vraiment, vraiment tous les secteurs. Donc, public averti, si ça vous concerne ce que je vais dire. En fait, c'est un outil qui est une réalisation entre plusieurs instances qui se sont rencontrées. On a Sport Québec, l'Observatoire québécois du loisir et le secteur du loisir du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, donc le MELS. Et c'est un site Internet, donc on peut le retrouver à l'adresse uqtr.ca/OQL-bénévolat. Je répète, parce que je vais vous le dire au début de la chronique, pendant puis à la fin, comme ça, si vous voulez suivre en même temps, là, ça va être à jour. Donc, interactif, exactement. Je vous explique comment ça fonctionne. Donc, uqtr.ca/OQL pour Observatoire québécois du loisir, bénévolat. Et c'est un portail qui s'adresse autant aux différents professionnels du milieu qu'aux gestionnaires de bénévoles, qu'aux bénévoles eux-mêmes. C'est plusieurs fiches qui répondent à des questions précises, puis toutes ces réponses-là ont été validées par des experts. Donc, on a des professionnels de différentes municipalités, dans différents secteurs du loisir, qui se sont rencontrés, qui ont dit c'est quoi en ce moment les grosses questions qu'on a par rapport aux bénévolats et comment on peut aider les gens sur le terrain à y répondre. Donc, par exemple, on va y trouver des questions comme quelles sont les motivations des bénévoles? Comment recruter un bénévole? C'est quoi les responsabilités d'un conseil d'administration? Ses responsabilités, ses devoirs? Donc, vraiment, ça s'adresse en détail, mais c'est accessible puis la vulgarisation est accessible dans le fond. Ça porte beaucoup sur les questions de savoir puis de savoir-faire de tous les gestionnaires de bénévoles. Donc par là, on entend tout ce qui est connaissances, compétences dans le secteur. Puis les fiches sont réparties selon des thèmes. Donc on a quatre gros titres, quatre gros thèmes qui sont sur le côté, donc pour classer les articles. Ouais. Et après, il y a des sous-thèmes. Donc, les quatre gros thèmes sont « Comprendre et savoir développer le bénévolat »,« Savoir gérer et soutenir le bénévolat »,« Savoir gérer un organisme » et « Maîtriser le travail avec les autres, la concertation et le réseautage ». Chaque fiche va répondre à une question précise, puis va être selon un gabarit. Tu sais, il y a un gabarit pour toutes les fiches, donc on s'y retrouve vraiment facilement. On a la synthèse de la fiche, on a la réponse à la question. On a des recommandations pour le gestionnaire qui se pose cette question-là. Puis ensuite, on a tout ce qui est référence par rapport aux études qu'on a citées ou des outils à utiliser, des dossiers à consulter. Donc, c'est vraiment un outil qu'on espère qui va devenir dans les prochaines années une référence dans le secteur du bénévolat. Ouais, c'est ça. Attendez, mon père. Lorsque vous avez une question en tête par rapport au bénévolat, vous allez sur le site qu'on a nommé tantôt, donc uqtr.ca/OQL-bénévolat. Et vous pouvez soit rechercher votre question dans la liste de toutes les fiches, donc recherche complète, ou y aller encore par thème. Il y a une grosse perspective de développement par rapport à ce site-là, parce que présentement, on a un peu plus de 50 fiches qui sont déjà faites, qui sont déjà accessibles sur le site. Dans la prochaine année, jusqu'en mars 2013, on vise un autre 50 fiches qui va être réalisé. Donc, on va être rendu à 100. Ces 100-là sont, comme on a dit tantôt, établis les sujets par les groupes de professionnels. Ensuite, pour l'année à venir, qui est 2013-2014, ça va être une autre centaine de fiches qu'on veut mettre en ligne. Mais là, on va avoir posé des questions aux usagers. Donc, on veut faire une évaluation. Savons-vous sur le terrain? C'est quoi les sujets qu'on n'a pas abordés? C'est quoi les sujets qui vous manquent, etc.? Puis, on a d'autres choses aussi qui nous intéressent à développer, qui sont des outils de formation et d'évaluation de cet outil-là. On veut savoir, est-ce que cet outil-là est pertinent? Est-ce qu'il répond vraiment aux besoins ou est-ce que c'est juste bien beau et personne ne l'utilise? Parce que des fois, c'est ça. Répondez pas ça. C'est non, non, mais celui-là, il est vraiment utile. Moi, je vous le dis, je l'ai utilisé. Il est vraiment, vraiment utile. Puis on veut savoir aussi, est-ce que les gens dans les différents milieux, ils ont besoin de formation et, formation et d'information? Donc, est-ce qu'on va aller se promener dans les milieux pour aller faire des conférences pour le présenter? Est-ce qu'on va se promener dans les cégeps, dans les universités, présenter aux différents intéressés comment ça fonctionne, à quoi ça peut leur être utile? Et on veut savoir aussi, sur un peu comme il y a dans différentes infolettes, là, un lien permanent qui permettrait aux gens qu'en rentrant leur courriel, chaque fois qu'il y a une nouvelle fiche qui sortirait, ils pourraient être au courant. Ouais, soit par courriel ou pop-up, vous avez une nouvelle fiche. Nous vous invitons à consulter le site qu'on a mentionné 12 fois. Et les fiches sont vraiment très accessibles, comme je disais tantôt. C'est à peu près un maximum de 2 pages. Donc vraiment, on a une question... On a une réponse claire, on a une réponse détaillée avec du contenu. C'est pas juste de la surface, puis là, nous-mêmes, il faut aller faire des recherches. Oui. La recherche a été faite pour vous, la recherche est complète, la recherche est détaillée, mais en même temps, ça vous prend pas 3 heures à lire parce que vous avez pas le temps. Donc, on veut des réponses claires, précises. On veut assimiler l'information. Exactement. Que quelqu'un d'autre est allé chercher pour nous. Oui. C'est ça. Parce qu'il y en a qui travaillent fort pour vous, là. Profitez-en. Oui. Comme on dit. Mm-hmm. Profitez-en. Donc, je pense que je vous ai résumé ça assez rapido, ça. Caroline, moi, c'est pour vrai. Mais en fait, oh oui, j'ai une dernière chose à dire. Vas-y. C'est qu'on a dit qu'il y avait 4 grosses sections. Oui. Puis chaque section a été prise en charge par un groupe de professionnels. Donc, des fois que c'est par le Conseil québécois du loisir, des fois c'est par l'Association québécoise du loisir municipal, des fois c'est par les unités régionales de loisirs et de sport. Donc, chacun avec son champ d'expertise est allé développer des réponses dans son secteur avec ses gens terrain, avec ses professionnels. Alors que quand les usagers vont être consultés, ça va répondre, dans le fond, en complémentarité à ce qui a été fait. Donc, ce matin, j'essayais de vous expliquer brièvement, parce que c'est quand même un outil, je veux dire, on peut en parler longtemps, il y a plusieurs options. Vous allez voir, je vous invite vraiment à aller visiter le site. C'est simple d'accès, c'est intéressant, il est bien beau. Donc, voilà. J'espère que je vous ai mis la puce à l'oreille et que vous allez aller le visiter. Et on retient l'adresse uqtr.ca/OQL bénévolat. Voilà, bénévolat. Mais si vous tapez bénévolat, ça ne marchera pas. Non, c'est ça, ça ne marche pas. Et mettez pas d'accent non plus. Pas d'accent. On n'aime pas ça, les accents. On est anti-accent. Donc, Marie-Laurence Audet, du laboratoire en loisirs et vie communautaire. Hein? Oui, vas-y. Qu'est-ce que je te rajoute une dernière petite chose. Oui, tant que tu veux. Tout le temps, des dernières petites choses à rajouter. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, comme JP fait en direct, là, il trouve ça bien, bien beau, le site. Là, il est déjà rendu un fan, il a déjà cliqué like. Je suis en train d'imprimer plein d'affaires. Voilà, voilà. Mais à chaque fois, vous avez les nouvelles fiches qui sont affichées en première page. Puis ça, c'est quelque chose d'important puis d'utile parce que dans le fond, vous n'avez pas à chaque fois à retourner dans les sections puis voir parmi les 75 000 fiches qui existent, est-ce qu'il y en a une que j'ai jamais lue? Voilà. Et vous, chers étudiants, chers publics étudiants, soit dans le cadre de vos recherches, dans le cadre de vos implications, dans le cadre de votre travail, ça peut être de l'information très, très pertinente. Donc, si vous l'utilisez dans vos recherches, on a toutes les sources, on a, tu sais, c'est comme je disais tantôt, c'est validé par les experts. Si jamais c'est dans le cadre de vos implications, vous, en tant que bénévole, vous pouvez aussi savoir vos droits, vos responsabilités, devoirs aussi, parce que ça vient avec. Mais on a des droits en tant que bénévole. Et dans votre travail, si vous avez à gérer des ressources humaines, le bénévole ne se gère pas comme tout autre employé. C'est une ressource humaine à part entière qui est spéciale. Mais c'est vrai, il n'y a rien qui retient. Argent. C'est très beau ça. Donc, on a ces adresses. Merci Marie-Laurence Audet. Voilà. Et on se retrouve très bientôt. On va se retrouver minimum à l'automne, c'est oui, sûr. C'est sûr. Pour la chronique du laboratoire. Sinon, ben, quand tu veux, c'était dans le cadre de tes fonctions, peut-être. Dans le cadre de tes fonctions. Dans le cadre de mes fonctions. De nouvelle VP. Ah oui. Socioculturelle à l'AGE. Oui. Bravo. Bravo. Merci. Félicitations. Tu le mérites. Merci, c'est gentil. Je te connais à peine, mais c'est le meilleur choix. Ah, c'est gentil, c'est vraiment gentil. Mais c'est certain que dans le cadre de mes fonctions, je vais avoir peut-être plusieurs autres projets. Je vais peut-être me ramasser avec 2 chroniques. En fait, je pense que je vais acheter l'émission. Bon. Hey, je suis pas à vendre. Non, mais on cherche des commanditaires. Oh! Service étudiant aux étudiants et AGE. L'AGE. on recommence. L'AGE et le laboratoire en loisirs et vie communautaire. Ah, voilà. Hey, là, tu commences c'est à mêler. C'est 0 en 2, là. Je suis assez épuisé. Ah, c'est ridicule. Mais là, wow, c'est le matin, là. La journée fait rien que commencer. Nous autres, déjà à moitié faite. Hein? Ouais. Dans quelques minutes, Kiwan la liberté et Kiwan en cavale. Mais pour l'instant, on écoute une pièce d'Olinéa. Voici l'échiquier. Bon, c'est fou. Oui. Oh, merci Marie-Laurent. Merci. Merci. Fait plaisir. À la prochaine. L'échiquier de Holy Néan. Ho! Ho! Oui! Kiwan en cavale commence à l'instant. Je pense que Jean-Philippe était sur, sur son chopper, qu'on appelle ça, c'est un chopper, avec les grosses poignées dans les airs. Kiwan, tu connais ça? Oui, ben oui, j'en ai plusieurs moi-même. Plusieurs, de toutes les couleurs, un de chaque. Exactement. Donc, on est avec Kiwan en cavale en direct de l'Alberta, comme toujours, et on écoute de la musique majoritairement canadienne avec lui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous présentes, Kiwan? Ben aujourd'hui, ça va être 100% canadien. Good. Je commence avec un groupe de Toronto. Vous savez, la semaine dernière, c'était la journée la journée mondiale, en fait, des disquaires indépendants. Oui. Il y a plusieurs... c'était coordonné. Ouais, il y avait plusieurs événements qui étaient organisés dans différents disquaires un peu partout à travers le monde, j'imagine, mais surtout au Canada. Et il y a un spectacle surprise qui a eu lieu dans un disquaire indépendant à Toronto qui était une performance du groupe Wide Life de Toronto avec leurs amis. Et parmi les groupes qui étaient invités, il y avait le groupe Beliefs. Et c'est un concert qui avait été diffusé par la suite sur... en tout cas, moi, je l'ai vu sur le site de Exclaim. Exclaim, le magazine que vous connaissez probablement. Oui, le petit journal carré, là, c'est bien cute. Exactement, avait diffusé cette performance-là sur leur site Internet. Je le trouvais plus, malheureusement, je voulais vous refiler le lien pour que vous puissiez, mais je pense qu'ils ont tiré la vidéo. Mais bref, c'est un groupe que j'ai découvert dans le cadre de la Journée mondiale des disquaires indépendants. Donc, le groupe Beliefs, qui est un groupe aussi de Toronto, qui ont seulement un EP, à ma connaissance, qui est sorti en novembre 2012, donc ça fait quelques mois quand même. Pour ce que j'en connais, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais il y a récemment deux pièces. C'est ce qu'on voit sur Bandcamp. En tout cas, c'est rare que les groupes mettent seulement quelques pièces. S'ils en ont plus que ça, ils préfèrent mettre l'album au complet. En tout cas, ce que j'ai vu de mon expérience sur Bandcamp. Donc, Catch My Breath et Violet sont les deux pièces qui sont sur leur Bandcamp. Exactement. Donc, moi, j'en ai aussi déduit que c'était probablement les deux seules pièces qu'il y avait. Mais c'est quand même un très bon groupe. En fait, sur la performance qu'ils ont fait, il y avait plus que deux pièces. Donc, j'imagine qu'ils ont quand même plusieurs compositions. Mais en tout cas, bref, la pièce que je vous suggère d'écouter, c'est Catch My Breath. C'est un son un peu rock, lo-fi, un peu garage. Fait un peu penser parfois, en tout cas, en spectacle, me faisait penser un peu à Jape and Droid. Mais la pièce qu'on va entendre, Catch My Breath, c'est un peu plus relax quand même. Cool. On va entendre ça en début de bloc à la fin. Exactement. Donc, le deuxième groupe qu'on va entendre, c'est le groupe calgarien de la semaine. Ah! C'est de vous présenter un groupe de Calgary. La sous-chronique. Pardon? La sous-chronique de Kibo en cavale, le groupe calgarien de la semaine. C'est comme exactement. Ça qu'on dit les calgariens? Oui, oui, les gentillés de Calgary en français. Eh ben. C'est calgarien avec un accent aigu, un E et un accent aigu. J'ai calgarien à dire là-dessus. Ah! Donc, les Calgariens de la semaine, le groupe s'appelle Reverie Sound Review. C'est le groupe de base, si on peut dire, de Lisa Lobsinger, que vous connaissez peut-être pour son implication avec Broken Social Scene. Ah. Si son nom vous dit rien, peut-être que sa face vous dirait quelque chose. C'est celle qui a toujours l'habitude d'avoir des coiffures très, très extravagantes. Si vous avez déjà vu Broken Social Scene en spectacle, il y a une blonde là, parmi les chanteuses et musiciennes qui aiment vraiment là, avoir des coiffures qui vraiment. Donc, peut-être que ça vous dit quelque chose. Je suis en train de regarder à l'instant, et oui, en effet, elle a l'air des fois d'une vedette des années 40 et d'autres fois d'une ébouriffée qui a pogné un champ électrique. Exactement. C'est sa marque de commerce, je pense, avoir des coiffures de ce genre-là. Et donc, son groupe, elle, qui est son groupe de base, comme je disais, c'est le groupe de Calgary qui s'appelle Reverie Sound Review. Ils ont seulement un album complet qui date de 2009. Le groupe existe encore, mais c'est assez tranquille. J'imagine peut-être, étant donné que Broken Social Scene sont en pause, si je me trompe pas, ou n'existent plus. Là. Donc, j'imagine que peut-être qu'il va avoir le temps de travailler plus avec son groupe. La pièce que je vous suggère, c'est la pièce Arrows, donc qui vient de leur premier et seul album complet de 2009. C'est un son qui ressemble beaucoup à Stereolab. Si vous aimez Stereolab, c'est sûr que vous allez adorer Reverie Sound Review. Ça joue beaucoup ici, assez fou, ça. Du Stereolab. Le groupe? Du Stereolab. Okay, ouais, c'est ça. Je voulais pas te faire penser que t'étais en retard, c'est nous autres. C'est pas le cas. Ça pourrait arriver. Ça m'inquiète toujours, d'ailleurs. Dernier groupe, en parlant de Broken Social Scene, un autre membre qui fait plus partie, je dirais, des groupes, des membres noyaux là, du groupe, parce que Lisa Lobsinger est un peu plus en périphérie, elle n'est pas toujours avec le groupe, mais Andrew Whiteman fait vraiment plus partie des membres fondateurs de Broken Social Scene, un des membres qu'on voit toujours avec le groupe. Donc lui et son épouse Ariel Engel forment un duo, c'est assez récent, leur premier EP date de mars, donc quelques semaines, un mois peut-être à peine. Le groupe s'appelle Aro Ara. Donc, c'est un duo, en fait. C'est un son assez électro, mais c'est pas 100% électro. Il y a beaucoup de sonorités acoustiques dans certaines pièces. Il y a d'autres pièces qui sont un petit peu plus électro. C'est assez pop, c'est assez tranquille. Et ils sont installés à Montréal maintenant. Ils viennent de Toronto, mais ils sont maintenant installés à Montréal. Donc, voilà, l'album est homonyme. L'album EP est homonyme. Et on va écouter la pièce qui s'appelle en fait 11, mais qui n'est pas la 11e pièce de l'album. J'ai pas trop compris le concept là, c'est de bizarre, hein? Numéro. Si jamais quelqu'un comprend, vous pourrez m'expliquer. La 1, c'est 11, la 2, c'est 6, 3, 5, 4, 2, 5, 13. C'est ça. Donc, c'est juste des numéros aléatoires comme ça. Donc, moi, je vous suggère la 11 aujourd'hui. C'est des fuckés! Des fois, OK, ben c'est comme ça. Kiwan? Des artistes, là. Oui, ben c'est ça. Faut pas poser de questions quand c'est des artistes, hein? Ça. Comme les gens en loisir, non? Faut tapiner les gens en loisir. Je sais pas pourquoi tout le monde fait ça. Je comprends pas, toi? Non. Comprends pas? Non. As-tu une question pour notre ami avant qu'il s'en aille? Non. Kiwan? Non. Même pas sur la météo, genre. Combien il fait? Aujourd'hui, je suis comme endormi. C'est pas grave, on a un running gag, hein. Faut bien continuer, sinon c'est pas un running gag. Hein. Ouais, oui, c'est hein? ça. Ah, ben côté météo, je suis encore les montagnes russes ici. En fin de semaine, il faisait très chaud. C'était un temps pour sortir son chopper, je dirais, en fin de semaine. Mais aujourd'hui, ce matin, il faisait moins 5 avec un petit filet de neige. C'est très déprimant. On en arrive au mois de mai. Demain, il fait encore très froid. J'ai la grippe. Prends soin de toi, Kiwan. Nous, il fait très chaud. Oui, il fait chaud. Très beau aussi. Parle-en pas trop longtemps. Il fait chaud. Mm-hmm. Il fait très chaud ici. Mm-hmm. Donc, Kiwan, on te souhaite, un prompt rétablissement. Et on se retrouve bientôt parce que c'était, si tu ne savais pas, la dernière semaine de la session d'hiver 2013 à Assemblage Requis. C'est ça? D'accord. Ouais, ça. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va être les jeudis après-midi, comme le veut la tradition. Et on s'en reparle pour voir si tu as envie de participer avec nous. Et si tu as le temps de participer avec nous les jeudis après-midi, bon. Ben, c'est sûr que je vais essayer de faire quelques apparitions. Ce sera peut-être pas très régulier, mais promis, on va s'en parler cet été. C'est yes. super. Merci, Kiwan en cavale. Kiwan Merci la liberté. Bonne journée. On écoute les trois chansons dans l'ordre qui les a mentionnées. Donc, commençons à l'instant avec Beliefs et la pièce Catch My Breath à Assemblage Requis. never thrown my arrows aimed to hold. Can't do that. La formation Aurora avec la pièce 11 dans la chronique de Kiwan en cavale. Et avant ça, toujours dans la même chronique, on a entendu deux autres pièces. Il y avait... Oups, c'est vrai, ça repart peut-être ça, ça fait. Alors, c'était Arrows de Ravery Sound Review. Sur leur album, c'est un groupe de Calgary, oui. Et on a débuté avec Beliefs et Catch My Breath, groupe de Toronto. Et voilà. Voilà pour Kiwan en cavale. On le retrouve bientôt cet été. Évidemment, c'est l'été, donc Kiwan est un petit peu moins disponible, mais on va le retrouver une fois de temps en temps. Il nous a promis cet été, à quelque part. Il a promis. Fait que moi, je me fie là-dessus. Là. Voilà. Je me fie là-dessus. Merci beaucoup à Kiwan La Liberté. Donc, et on va terminer l'émission ici. Pourquoi pas, tant qu'à finir là et tant qu'à faire quelque chose, aussi bien faire quelque chose, comme disait la petite vidéo que tu as postée sur la page Facebook d'Assemblage Requis, n'est-ce pas? Oui. Comme genre, explique-nous donc ça, voir. En fait, c'est que, tu sais, ce qui explique un peu ma fatigue de ce matin et ma non-participation active. Arrête donc. C'est que je vais remettre un travail de projet d'études, un projet final d'études, cet après-midi. Et puis, j'ai une amie qui procrastinait un peu hier. Et puis, elle m'a posté cette vidéo-là sur Facebook, tu sais, l'ennemi numéro un des travaux. Et puis, c'est en dessin, c'est ce qui est très intéressant. Puis c'est fait à la main, live à la main, oui, c'est ça. Et puis, c'est un gars, justement, qui doit finir ses choses, donc qui doit finir probablement, mettons, un travail. Et puis là, il fait, tu sais, ce matin, je me lève tôt, parce qu'il faut que je fasse mes affaires. Et puis là, quand je me suis installé pour faire mes trucs, ben oups, j'ai échappé un peu de café sur le bureau. Fait que j'ai commencé à le nettoyer. Puis là, je me suis dit, tu sais, tant qu'à faire, je vais nettoyer au complet parce que je veux pas être dérangé, tu sais, quand je vais avoir mes choses à faire. Surface propre, travail bien exécuté. Ben voilà, ouais. Voilà. Et puis cette vidéo-là continue. Puis fait voir, tu sais, c'est vrai, j'ai pas déjeuné moi ce matin. Fait que tu sais, je vais me prendre des céréales. Ah, j'ai plus de céréales. Fait que je vais à l'épicerie, tu sais, parce que je veux pas avoir faim pendant que j'ai mes choses à faire. Un petit creux, là. Ben oui, c'est ça. Donc là, finalement, tant qu'à être à l'épicerie, ben, tu fais l'épicerie pour la semaine. C'est comme ça, t'as pas ça en tête quand t'as tes choses à faire. Là, tu reviens, tu veux manger des céréales. Bah, finalement, tu viens de faire l'épicerie. Fait que là, t'as plus envie de céréales. Fait que tu te fais une omelette. C'est comme ça, t'as pas faim pendant que t'as tes choses à faire. Et puis, écoute, ça continue comme ça. C'est très drôle. Jusqu'à la fin, ça va même jusqu'à la. Ben, finalement, je suis allé chercher de l'huile parce que ma chaise fait squeak, squeak. Puis moi, j'aime pas ça travailler. J'aime pas ça faire mes affaires quand ma chaise fait squeak-squeak. Il est rendu trop tard, fait que tant qu'à ça, je vais commencer tôt demain, mais avant ça, je vais me divertir un peu, relaxer. Je vais regarder un marathon à la TV, tu sais. Ouais. Genre le Twilight Zone, puis après ça, je vais me lever de bien de bonheur, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, t'as rien crissé. C'est ça. Voilà. C'est une très, très belle vidéo sur la page Facebook d'Assemblage Requis. On vous invite à aller trouver ça. Hein? Oui, ça va être drôle. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on termine l'émission. On se retrouve demain entre 7h et 9h. Et demain, à l'émission, on est mercredi, on va voir Céphalie Paradis et Les Petits Bonheurs. Et ça va être une dernière chronique pour la saison. Donc, ramasser de tout ce qu'elle aime dans la vie, je pense, et de ce qu'on aime, nous autres. Ouais. Genre les petits bonheurs de la vie en général, ça va être bien le fun, ça va être à 7h30. Ensuite, Marie-Pierre Lafourche-Bourret, c'est chronique, etc., chronique aléatoire, peut-être du cinéma encore. On va voir King Sexy Time, bien sûr. Alors, merci pour l'émission d'aujourd'hui. Laurie Gauvin, Michel Lebrun, Marie-Laurence Audet, Kiwan La Liberté, beaucoup de gens en 2 heures. On a dépassé un petit peu, on s'en excuse. Merci à Jean-Philippe Charbonneau. Oui, merci à toi, Mathieu. On se revoit, pour ma part, jeudi pour la dernière. C'est vrai, demain, c'est Stéphanie qui va co-animer avec moi. Je raterai encore une fois Kinky. Ah, c'est plate pour toi, ça? Mais la session, en fait, moi, c'est fini après, là, puis d'école. Non! Je suis l'université, donc je raterai plus de Kinky. Jamais tu ne rateras un autre Kinky. Jamais, parce que en fait, je suis déçu. Après ça, là, j'arrive pas à me concentrer quand j'ai mes affaires à faire, parce que j'ai pas écouté Kinky. Là, tu vas écouter la balado diffusion. Tant qu'à écouter Kinky, t'écoutes l'émission au complet. Tant qu'à écouter l'émission, t'écoutes la semaine au complet. Voilà, je vais faire un marathon des 500 quelques premiers épisodes d'Assemblage Requis. Voilà, je te comprends. Et ensuite, là-dessus, bonne journée à toi. Eh bien, Mathieu, à jeudi. À jeudi. Restez pour le dîner de con qui commence à 11h. Qui est resté pour le dîner de con, là, juste après, là, il y aura classique. Puis après ça, c'est la dernière de Benoît Miel sur Bruxelles. Ça, faut pas manquer ça. Puis celle-là est vraiment bonne. Votre soirée est comme bourrée, hein? Pas besoin de travailler. Ça vous ferez vos affaires demain. Bah.